Donc, je remercie Gilles Deleys qui a bien voulu se coller à ce travail de lire et de présenter. En fait, c'est un travail par ailleurs qui fait universitaire, c'est ça. Sur Dreaming de Norman Mancolm, qui est un petit livre qui, à ma connaissance, n'a jamais été traduit en français. Un petit livre qui date de 59. Hein. Mancolm, c'était un ami et un élève de Wittgenstein. Comme à peu près à la même époque, un autre personnage dont on a lui traduit quelque chose, c'est Alasdair MacIntyre, qui à peu près à la même époque, d'ailleurs un an après, je crois, a travaillé sur le concept d'inconscient, à peu près dans la même veine. Alors pourquoi on parle de ça dans ce séminaire sur le rêve pour deux raisons. Alors, la première raison, c'est que vous l'avez vu dans les séances précédentes, ou depuis, pour ceux d'entre vous qui suivent mon séminaire depuis longtemps, je trouve que le type de manipulation qu'on fait avec le langage dans cette philosophie du langage ordinaire, cette philosophie analytique du langage ordinaire, c'est une philosophie assez particulière dans le sillage de Wittgenstein, qui n'est pas logiciste à proprement parler, hein, qui travaille sur les formes linguistiques, la façon dont on dit les choses, est-ce qu'on peut les dire au présent, est-ce qu'on peut les dire au passé, est-ce que c'est la même chose de dire d'utiliser un verbe en première personne ou en troisième personne, c'est-à-dire d'aller un peu plus loin que les formes de surface et de voir comment elles sont utilisées, me paraît être un exercice qui prend au mot l'idée, après tout, de travail du signifiant. Mais au lieu de d'en faire un usage, je dirais, purement rituel, de dire comme ça, langage commande la pensée, qui se réduit en général à reciter trois jeux de mots de Freud commentés par Lacan, et qui sont en général des jeux purement sur les sons, hein, de donner une idée plus générale de l'ampleur de ce que la manipulation des formes linguistiques, est-ce que je peux prononcer cette chose-là au futur, au passé, en changeant les personnes, en ajoutant ici un adverbe, en reconstruisant la phrase avec une autre paraphrase, une paraphrase dans laquelle telle ou telle chose qui me paraît extrêmement pesante pourrait en réalité disparaître et être remplacée par quelque chose de très plat, comme un adverbe, par exemple, au lieu de dire « mon inconscient m'a fait faire telle chose », de dire « j'ai fait telle chose inconsciemment », par exemple, hein, en déformant, etc., on rencontre des asymétries, des impossibles, des points dans lesquels on a l'impression qu'au fond des mots qui sont très chargés imaginairement sont comme, pour employer une jolie image de Wittgenstein, des roues qui tournent à vide dans nos jeux de langage. On pourrait les enlever, on arriverait très très bien à dire la même chose, et qui en fait nous familiarise avec une manière de traiter le langage assez particulière. Dont j'ai eu beaucoup recours, hein. J'ai fait comme ça des grandes analyses, des affects, de la honte, de l'angoisse, en travaillant sur les prépositions, sur la présence des objets, sur les usages impersonnels, sur la grammaire du désir, les deux dernières fois en particulier, qui utilisent ce type de procédé, qui s'intéressent à savoir si on met un indicatif après, un subjonctif, où sont les... Et il y a beaucoup de choses chez Lacan qui relève de ça, mais la linguistique de son temps, même scolairement, ne manipulait pas le langage comme ça. En revanche, depuis les années 70-80, c'est devenu complètement normatif. Si vous faites de la linguistique théorique, c'est essentiellement ça qu'on fait, c'est le travail ordinaire. Alors, sauf qu'elle est devenue très mathématisante et cognitive, c'est le grand tournant de la linguistique scientifique contemporaine, ce que je n'ai pas tout à fait là, ce qui n'est pas tout à fait le cas ici. La deuxième raison, c'est une remarque de Gilles Deleys quand on échangeait à ce sujet, c'est que qu'est-ce que ça pourrait bien changer, cette compréhension psychologique du rêve, ou plus exactement des emplois du verbe rêver dans la langue ordinaire et de ses singularités, fait que c'est pas tout à fait la même chose, par exemple que halluciner, percevoir, des verbes qui ont l'air d'être relativement proches. Et qu'est-ce que ça pourrait changer notre rapport à la psychanalyse, à l'expérience du rêve? Et Gilles Deleys disait qu'il voyait pas tellement qu'on pouvait faire peut-être lancer comme ça des points, etc. Moi, je crois que ça change quelque chose de radical, de très profond, mais qui n'est possible que quand on a apprécié la limitation de l'analyse de Malcolm. Donc, dans la discussion, j'introduirai un peu mon opinion à ce sujet, essentiellement à partir de deux critiques de Malcolm. Quelqu'un qui est un philosophe très connu des philosophes analytiques, qui s'appelle David Armstrong, et surtout d'un quelqu'un un peu moins connu qui s'appelle Lewis. Et la raison en est très simple, c'est que la thèse marrante de Dreeming, celle qui a fait susciter évidemment une sorte d'ébullition, parce que c'est vraiment un cas où la philosophie du langage va contre les intuitions, c'est de dire que que Malcolm dit « Moi, le rêve, je ne sais pas du tout ce que c'est, je pense que personne ne peut le savoir, la seule chose que nous pouvons savoir, c'est ce que nous faisons quand nous parlons du rêve. » Et même parler du rêve, c'est une mauvaise expression. La seule chose que nous pouvons faire, c'est apprendre un jeu de langage dans lequel nous racontons nos rêves. C'est quelque chose qu'on appelle raconter ses rêves. Mais le rêve lui-même, cette entité que nous considérons comme une entité psychique, ou des choses comme ça, eh bien, on ne peut pas savoir ce que c'est, et de toute façon, on s'en fiche. Alors évidemment, ça a suscité... Donc ça a suscité toute une sorte d'inquiétude, parce que là, c'est vraiment complètement contre-intuitif, parce que nous savons bien ce que nous faisons quand nous rêvons. Grande partie des choses étaient liées au fait que il y a une discussion qui remonte à Wittgenstein, qui est dans les derniers textes de Wittgenstein, auquel Malcolm a connu, si ma mémoire est bonne, Wittgenstein à deux moments de sa vie, mais notamment à la fin. Et dans les textes de 47-48, les textes qui sont rassemblés sous les de philosophie de la psychologie, qui sont traduits en français, il y a de nombreux développements de Wittgenstein sur le rêve, et qui sont un peu le germe du développement de Malcolm. Mais la question qui se pose à l'époque est beaucoup plus l'argument que vous connaissez, si vous vous rappelez de vos cours de terminale, c'est l'argument de Descartes. Hein, qu'est-ce qui prouve que quand je rêve, que je ne suis pas en train de rêver, enfin, à n'importe quel moment, je ne suis pas en train de rêver, hein, et que tout autour de moi n'est pas un pur rêve. Alors c'est un peu difficile, il mentionne un ou deux endroits, d'ailleurs des endroits très problématiques de Freud, très intéressants, Malcolm, mais c'était plutôt dans cette perspective-là. Quand on discutera après, en ramassant un peu ce que nous apporte Gilles Deleuze, j'essaierai de revenir là-dessus et de voir un peu comment ça peut changer notre point d'entrée sur le rêve, et à mon avis, faire comprendre de manière intelligente des choses qui se passent autour de Bion, et de la très grande différence qu'il y a entre Bion et Freud sur le rêve. Voilà un peu ce qu'on va faire à la place de cet exposé dans le séminaire. Bon, mais je vais reprendre à partir de là. Bon, mais merci donc à Pierre-Henri Castel de me donner l'opportunité de présenter ce travail qui est aussi... un travail universitaire sous la direction de Jocelyn Benoît. Je remercie aussi Natacha Collomb, qui est ma première interlocutrice, et je la remercie pour sa patience et ses encouragements dans ce travail. Alors, Pierre-Henri Castel a déjà un petit peu dit, poser des choses sur le contexte, je vais repréciser brièvement. Donc Malcolm est un philosophe américain qui est né en 1911, mort en 1990, qui à l'origine vient à Cambridge en 1938. À la base, il veut travailler avec Moore, qui est un philosophe qui est connu pour sa défense de la philosophie du sens commun. Il va se lier d'amitié très rapidement avec Wittgenstein, qui est une personnalité... qui à côté de laquelle on ne peut pas passer. Je pense que vous savez un petit peu que Wittgenstein donnait des cours en comité extrêmement réduits, notamment à la suite desquels le cahier bleu et le cahier brun vont être dictés. Et Malcolm se voit confier une mission de la plus haute importance par Wittgenstein, qui est de lui fournir pendant la guerre le Detective Story Magazine de Street & Smith. Ah oui. Ce qu'on peut, hein. C'est-à-dire qui est une collection, un peu une espèce de Reader's Digest des romans policiers de l'époque. Et vous rigolez, mais le truc, c'est que il y a une anecdote qui veut que Wittgenstein aurait trouvé la théorie figurative du tractatus, c'est-à-dire cet isomorphisme entre les propositions d'un côté et les états de choses dans le monde, en regardant un rapport fait par des inspecteurs pour une compagnie d'assurance, comme ça, où il s'est dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça. En fait, là, on a vraiment un diagramme, et donc, la théorie figurative de la proposition, voilà, là, on devine ce que c'est. Alors, comme dit Sandra Laugier, on espère quand même que c'est un petit peu plus en travaillant sur la philosophie de Russell et de Gottlob Frege, avec qui il était en relation, qu'il a élaboré le Tractatus. Donc, il continue à entretenir une correspondance extrêmement nourrie. Malcolm lui dit, bon, ben, je voudrais enseigner la philosophie à l'université. Wittgenstein lui dit, non, non, non, il faut que vous fassiez fermier dans le Kansas, c'est beaucoup plus honorable. Vous ne pourrez pas enseigner la philosophie de manière honnête. Ce serait miraculeux. Bon, on reconnaît Wittgenstein, évidemment, dans ce genre de choses. Donc, Malcolm revient à Cambridge après la guerre, pour 2 ans, avec son épouse. Ils vont continuer à entretenir une correspondance. Voilà. Alors, le contexte, effectivement, philosophique de l'époque est extrêmement marqué par un retour en force d'une forme de cartésianisme très particulier, qui est... Alors, il y a 2 choses. Il y a les phénoménalistes du cercle de Vienne, qui sont des gens qui ont pour base, si vous voulez, l'idée que l'important, c'est de vraiment être sûr que dans la réalité, comme ça, on peut aller tester le caractère sensible des phénomènes sous l'inspiration d'un philosophe de la fin du 19e qui s'appelle Ernst Mach. Bon. Et puis, un contrepoint quand même à un retour de Bertrand Russell, après l'écriture des Principia Mathematica avec Whitehead, qui va complètement l'épuiser, le lessiver. Il se dit, bon, la seule personne qui peut reprendre ce travail-là, c'est Wittgenstein. Wittgenstein lui est passé à autre chose. Et donc, par exemple, il y a un ouvrage de Russell qui est assez marquant, qui est... j'ai perdu ma référence. C'est pas The Analysis of Mind. Non, c'est Problèmes de philosophie, voilà, écrit en 1911. Et simplement, la lecture de la table des matières a quelque chose de très cartésien. Premier chapitre, apparence et réalité, l'existence de la matière, la connaissance intuitive, le vrai et le faux. Quand Russell dit à Wittgenstein, je vais faire un truc sur la matière, Wittgenstein lui dit, ça n'a aucun intérêt. Bon. Alors, Pierre-Henri Castel a parlé un petit peu d'Alasdair MacIntyre, hein, qui va donner du grain à moudre, notamment à Vincent Descombes, sur l'inconscient adverbial, hein, c'est-à-dire... MacIntyre dit bien, l'inconscient, c'est pas une substance, il faut vraiment garder l'adjectif, hein, l'adverbe qui vient après, qui nous permet de qualifier un certain nombre de descriptions. Mais dans ces années-là, il y a aussi une philosophe qui est extrêmement marquante, qui est Elisabeth Enscombe. Et parmi la première génération de Wittgensteiniens qui ont connu Wittgenstein, y a vraiment des différences dans la forme que vont prendre leur travail. Je ne sais pas si certains parmi vous ont jeté un œil dans l'intention d'Enscombe. C'est quand même un livre qui non seulement travaille sur un thème qui intéressait Wittgenstein, bon, mais qui reprend aussi la forme heuristique assez vertigineuse qu'on trouve dans les écrits de Wittgenstein, si bien que quand vous avez fini l'intention, vous avez quand même une sensation d'une, je dirais pas d'une dissolution, mais en tout cas d'une désaturation totale du concept, si bien que on sait plus trop ce que peut être l'intention. Enfin, moi, c'est l'effet que ça m'a fait, mais on sait au moins ce que l'intention n'est pas. C'est bon, une forme de lecture auquel moi j'ai beaucoup adhéré. Malcolm, c'est quelqu'un qui a quelque chose d'un peu plus scolastique dans sa manière de travailler, dans le sens où c'est quelqu'un qui, dans ses articles, quand il s'attaque à un thème, reprend comme ça l'ensemble des thèses qui ont cours à l'époque ou qui viennent de philosophes classiquement très connus. Il les prend, il les déconstruit, puis après il expose son point de vue, ce qui donne quand même une coloration un petit peu aride à ce type de lecture. Bon, Dreaming à certains côtés un peu aride, je vais en parler, mais c'est quand même une monographie qui se distingue assez du travail qu'il a l'habitude de faire. Alors effectivement, quand en 59 ce livre sort, il va susciter hein, c'est un grand nombre de réactions. Mais ce qui m'a énormément marqué, c'est que Les gens qui vont faire des commentaires s'attaquent tout autant à ce que la philosophie de Malcolm peut dire sur le rêve que sur ce que finalement le rêve fait à la philosophie. Je m'explique, c'est que lorsque vous vous attaquez à une question comme le rêve, ça c'est pas la même chose que s'attaquer à des objets entre guillemets nobles comme la vérité, la signification, la croyance. Il faut mobiliser quand même un appareil conceptuel assez large, parce que vous allez justement avoir comme question: qu'est-ce que c'est qu'un jugement? Est-ce que le rêve est une expérience? Qu'est-ce que c'est que la mémoire d'un rêve? Les paradoxes logiques du sommeil, qui fait qu'on couvre un éventail assez large de choses. Alors ça, c'est plus un point de théorie de l'histoire des idées, mais ce qui, moi, m'intéresse aussi, c'est que dans Dreaming, on a quand même un condensé de tous les thèmes qui, par la suite, vont être assez chers à Malcolm, et justement, qui va travailler. Si bien que, bon, quand on s'attaque au rêve, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on doit mobiliser toute une philosophie de l'esprit. Et j'avais trouvé pertinent le sous-titre du livre de Pierre-Henri Castel sur le rêve qui était sorti il y a 10 ans, hein, une philosophie de l'esprit inconscient. 20 ans. 20 ans. Ah, oui, 20 ans. Ah, on en est là. On en est 20 ans, d'accord. Alors c'était pour vendre des bouquins, mais peut-être pas uniquement. Hein. Ce sous-titre, c'était quand même, je trouve, assez pertinent. Bon. Alors, je vais vous donner un petit peu en pâture avant de commencer, vous allez voir pourquoi, quelle est la substance un petit peu de la thèse de Malcolm dans ce livre. C'est une thèse, pour y aller un petit peu à la serpe, qui est absolument antinaturaliste et aussi antipsychologique. Il ne nie pas la possibilité qu'il y ait quelque chose qui soit un rêve, hein, mais le seul élément, enfin, vous l'avez dit, à partir duquel nous pouvons penser philosophiquement, finalement, est le témoignage de la personne ayant rêvé. Alors, la clé de voûte de sa réflexion au milieu du livre, hein, c'est la grammaire du verbe rêver. Je vous fais remarquer au passage que le livre ne s'appelle pas Dreams, The Dream, mais Dreaming. Hein, donc on est bien question de la grammaire de ce verbe-là. Donc la démarche consiste à épurer cette grammaire, hein, de voir un peu quelles peuvent être les confusions potentielles concernant ses usages, une stratégie qui est classiquement celle de Wittgenstein. Nous ne pouvons pas définir les usages de ce verbe à partir de l'expérience personnelle que nous en avons, nous, strictement. Cela reviendrait à retomber dans un problème de langage privé. Donc le seul critère que nous avons en notre possession, c'est le récit qu'en fait le dormeur. Alors, je vous dis ça parce qu'il faut attendre à peu près la moitié du livre pour que Malcolm travaille spécifiquement cette question sur le chapitre « Concept of Dreaming ». Toute la stratégie, c'est de resserrer l'entonnoir pour bien définir ce qu'est le sommeil, c'est-à-dire... Il faut éliminer absolument tout ce qui serait des critères comportementaux et extérieurs qui nous indiqueraient que quelqu'un est en train de rêver. Il n'y a pas d'hypnose, il n'y a pas de somnambulisme, il n'y a pas de sommeil agité. Et thèse, quand même, qui est celle, moi, qui me surprend vraiment le plus à chaque fois que je me replonge dans ce travail, le cauchemar n'est pas un rêve. Bon. Sinon, on aurait un critère extérieur qui nous permettrait de dire, effectivement... que la personne, enfin, le sujet arrive. Donc je vais essayer de dire aussi un petit peu, moi, ce qui me paraît être le coût conceptuel très élevé finalement de cette thèse-là, en regard des évolutions qu'il y a eu depuis concernant cette question. Alors, on va se plonger un petit peu. Le mieux, c'est effectivement de refaire le parcours, je dirais, de ce raisonnement-là. Donc, je vous cite un petit peu les chapitres. Bon. Asserting that one is asleep, donc énoncer que l'on est endormi, juger que l'on est endormi, une comparaison entre je dors et j'ai mal, deux objections, le critère du sommeil, les phénomènes ressemblant au sommeil, sound sleep, c'est-à-dire le sommeil profond, judgments in sleep, un jugement dans le sommeil, application à d'autres phénomènes, le rêve comme exception, le concept de rêve, durée et localisation temporelle des rêves. Bon, après, sur la fin, c'est plus des questions plus techniques, effectivement, sur l'opposition avec Descartes et la tradition philosophique que je vais peut-être pas développer là. Alors, je vous fais passer, si vous voulez éventuellement jeter un œil, je vais se tourner. Alors, dans le premier chapitre, Malcolm évoque le fait que Aristote considère qu'un homme dans son sommeil pourrait faire l'assertion qu'un objet qui approche, soit un homme ou un cheval. Alors je vous lis, parce que c'est un petit peu vague, je vous relis le passage en question, qui est là, voilà. Ce n'est donc assurément pas par la sensation que nous percevons le rêve. Mais ce n'est pas non plus par l'opinion, car nous ne disons pas seulement que ce qui s'avance est un homme ou un cheval, mais aussi que c'est blanc ou beau, ce dont l'opinion, sans la sensation, ne saurait rien dire, que ce soit vrai ou faux. Or, dans les périodes de sommeil, il arrive à l'âme de le faire. En effet, nous croyons voir semblablement que ce qui s'avance est un homme et qu'il est blanc. En plus du rêve, nous pensons quelque chose d'autre, exactement comme lorsqu'à l'état de veille, nous sentons quelque chose. En effet, ce dont nous avons la sensation, nous en faisons également souvent un objet de réflexion. Alors, Malcolm se dit, si nous étions vraiment capables d'émettre une assertion, alors assertion, c'est vraiment à comprendre, vous allez voir pourquoi, au sens d'énoncer, verbaliser, hein, épelé, qui est communiqué. Si nous sommes capables d'émettre ce genre de choses sur un objet externe, pourquoi ne pouvons-nous pas le faire à propos de nous-mêmes? Alors, réponse... Qui est simple. Si on demande à quelqu'un « Es-tu en train de dormir ?» et qu'il répond « Oui, je dors », on nage évidemment dans l'absurde le plus complet. Ça relève. La formule de Freud, c'est « Tu dors ? Qu'est-ce qu'il y a ? Prête-moi 20 thalers. Je dors. » Alors, oui. C'est dans la trame d'Oïd. Oui, oui. Quid de l'état d'hypnose ? Quid de l'état d'hypnose? Si on demande à quelqu'un qui est sous état d'hypnose, est-ce que vous êtes en train de dormir? La réponse est oui, je dors. Et alors là, Malcolm a un argument tout à fait curieux qu'il utilise dès le début de son petit chapitre, qui est si on devait considérer comme recevable ce témoignage dans un tribunal, ce ne serait pas recevable dans un tribunal. C'est un argument que je trouve très ancré culturellement et extrêmement pragmatique, c'est-à-dire ça ne serait pas recevable. Ce qu'on mesure dans l'hypnose, ce n'est pas un état de sommeil, mais c'est le pouvoir de suggestion de celui qui a hypnotisé. Alors, évidemment, vous voyez l'autocontradiction hein, dans l'énoncé vis-à-vis de l'énonciation pour « je dors ». C'est pareil pour « je suis inconscient »,« je suis mort hein, ». Une fois mort, il nous a dit qu'il était mort, etc. Bon. Entre parenthèses, je me suis posé la question quand même de pourquoi, par exemple, le paradoxe du menteur a mobilisé pour les philosophes une énergie assez considérable depuis l'Antiquité, notamment chez les scolastiques médiévaux. Et je peut-être c'est quelque chose dont je n'ai pas connaissance, mais je me demande pourquoi ce type de paradoxe n'a pas plus suscité finalement d'intérêt, surtout que c'est quand même bon, c'est plus lié effectivement, c'est pas quelque chose qui est essentialisable comme ça dans un monde logique un peu en dehors du réel, hein. C'est vraiment lié au statut psychologique du locuteur, mais bon, voilà, tout de même. Alors, si on ne peut pas énoncer que l'on dort, peut-on le juger? C'est-à-dire, peut-on se le dire à soi-même en pensée? Ici, je cite de nouveau Malcolm. « Dans le but de savoir si lorsqu'un homme dit « je suis endormi », il donne une description vraie de son propre état, on devrait savoir qu'il l'a dit quand il était endormi et qu'il était conscient de le dire. C'est une chose impossible à savoir, car quoi que ce soit qui montre qu'il était conscient de dire cette phrase... montre également qu'il ne dormait pas. Ce dont Malcolm veut s'assurer, c'est que si quelqu'un émet ce type de jugement, il faut qu'on se rende compte de l'extérieur qu'il émet un jugement vrai sur lui-même. Donc les conditions de possibilité ne sont pas remplies. Non seulement c'est faux, mais en plus pour lui, ça n'a pas de sens. Et donc on ne peut pas non plus inférer à partir de l'état de veille, à partir d'un souvenir de quand on était endormi, le fait qu'on ait pu émettre un jugement à ce propos qui est vrai. Alors je ne sais pas si je dois m'attarder trop sur une question qui est un petit peu technique, qui est liée quand même à la philosophie de Wittgenstein, c'est que en matière de jugement, ce serait un peu long à développer, mais Malcolm a quand même une conception du jugement qui est une espèce d'hybride un peu curieux entre justement la théorie de la proposition comme ça figurative du Tractatus dont je parlais au début et le jugement tel qu'il va être envisagé dans les recherches philosophiques. C'est-à-dire, ça va être un peu trop technique, ça nous amène trop loin. D'accord. Bon, le jugement chez Wittgenstein est plutôt une question liée à la certitude, sur lequel il y a un fond. On retrouvera autour de Gmal. Comment ? On retrouvera la question autour de Gmal, c'est plus sensible. Peut-être, oui. Bon, alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est assez marquant chez Malcolm, c'est qu'il n'y a pas de. On dirait qu'il ne ménage absolument aucune nuance de gris entre l'état de veille et l'état de sommeil. C'est un des reproches que David Pierce lui fait dans un article critique qui est paru dans ce volume comme ça, qui regroupe pas mal d'articles sur justement Dreaming et les thèses qui ont tourné autour. C'est-à-dire, il y a quand même une phénoménologie, on peut dire, de l'endormissement et de l'éveil. Si la proposition je dors n'avait absolument aucun sens, bien qu'elle soit tout le temps fausse, on ne comprendrait pas quand même que les gens aient la capacité d'avoir un jeu de langage qui est lié au fait de pouvoir dire j'ai sommeil. C'est ce que lui reproche Pierce. Il y a quand même des degrés dans l'endormissement. Comme par exemple des phénomènes bien connus de surdité cognitive à ses propres sons ou à son propre ronflement. Ça, c'est une expérience que je fais de temps en temps. Où il y a par exemple une patiente récemment me disait « Lorsqu'on est diabétique, on a une idée très exacte du fait qu'on a dormi parce qu'on se réveille avec une fatigue colossale du fait qu'on n'a eu absolument aucun apport de sucre pendant le sommeil. Si on n'a pas une pompe à insuline, voilà. » Donc. C'est le genre de choses comme ça qu'on peut inférer auxquelles Malcolm n'est absolument pas sensible. Donc vous voyez un petit peu, il n'y a pas de possibilité de dénoncer ni de juger qu'on est soi-même endormi. De la même manière, on ne peut pas effectuer, dans un chapitre plus loin, il en parle, de jugement sur d'autres objets, on ne peut pas penser, on ne peut pas croire, etc. On ne peut pas désirer, etc. Alors, pour bien bétonner son argumentaire, il répond par avance à deux objections qu'on lui fait dans le chapitre 5, qui est que on peut utiliser la négation de « je dors » en disant « je ne dors pas ». Donc Malcolm se demande, par induction, si on pourrait estimer que « je dors » est valide. Chose auquel on comprend très bien, si on répond à la question « je ne dors pas », c'est évidemment pas l'équivalent de « est-ce que tu dors ?» Ça n'est... Bon, l'absurde a déjà été démontré, je ne vais pas insister là-dessus. Vous commencez à voir que c'est quand même une thèse qui, sur ces points-là, est un petit peu aride. Et deuxième objection, on ne peut pas déduire « je dors » non plus des énoncés du type où on utilise des usages dérivés métaphoriques du verbe « rêver ». Par exemple, voilà, je rêve, tu n'as pas quand même pas osé faire ça. Donc, vous ne pouvez pas inférer de ce genre d'énoncé, ça peut paraître un peu absurde, comme ça, que la personne dort parce qu'elle vous dit « je rêve ». Ça, c'est des arguments qu'il développe dans le livre. Alors, il essaye de. Je suis un peu embêté avec le quand il parle du parallèle, qui justement est la différence entre je dors et j'ai mal. Il estime en fait qu'on ne peut pas. Dans le cas de j'ai mal, on pourrait dériver l'usage de j'ai mal. On a une idée du critère qui servirait à vérifier chez l'autre ce que pourrait être la douleur d'un point de vue extérieur. alors que on ne peut pas le faire, on ne peut absolument pas le faire pour jeu dehors, pour les raisons qu'on a déjà énoncées. On peut quand même imaginer des cas où une personne, par exemple, est tellement mal à la gorge qu'elle ne puisse pas dire j'ai mal. Bon. On est toujours dans les paradoxes logiques. Alors, du coup, quel est le critère du sommeil ? Si, je cite Malcolm, « Si nous devions savoir si quelqu'un est endormi, que devrions-nous chercher ? Ce serait des choses de cette sorte. Qu'il est couché, ses yeux sont fermés, sa respiration est régulière, son corps quasiment inerte. Il ne réagit pas aux divers mouvements et sons de son environnement auxquels il réagirait en étant éveillé. » S'il était en train de siffler, d'écrire, d'être devant la fenêtre, d'examiner une carte, nous ne dirions pas qu'il est endormi. Notre application ordinaire du mot « endormi » n'est guidée par aucune considération sur ce qui se passe à l'intérieur de son crâne, de sa moelle épinière ou d'autres organes internes, mais plutôt par comment son corps est disposé, ainsi que par son comportement ou l'absence de ce comportement. Donc ça, c'est la définition du critère comportemental qui permet qui s'inscrit dans une définition ostensive. Il retient effectivement ce critère pour les humains, pour les enfants et pour les animaux. Ce sont les seules choses auxquelles nous avons accès. Deuxième critère, le témoignage de la personne qui nous dit « je dormais ». Mais alors là, ça c'est un trait assez courant chez Malcolm, le critère du témoignage est négatif. C'est-à-dire, on peut vérifier au témoignage de la personne ce qu'elle est en train de nous dire, parce qu'on lui pose des questions du type, est-ce que pendant que tu dormais, tu as entendu l'orage, est-ce que tu as entendu les voisins qui faisaient la java, est-ce qu'il y a des bruits qui t'ont réveillé? Si la personne dit non, on est sûr. Effectivement, que voilà, c'est en tout cas c'est le critère de validation qui est lié au témoignage. Alors, je passe sur un point quand même qui me paraît important, qui sont les différents exemples de phénomènes apparentés au sommeil. Et là, vous allez voir, il y a un passage qui me paraît bien montrer la position de Malcolm par rapport au cauchemar. Il y aurait une tendance à dire que quelqu'un dans une transe hypnotique est endormi. Il peut répondre à des questions, répondre aux suggestions, et ses réactions montrent qu'il n'est pas endormi dans le sens premier, dans l'usage basique du mot endormi. Ce n'est pas non plus le cas pour quelqu'un agité qui pleure dans les tourments d'un cauchemar. Ce ne serait pas un bon exemple d'une personne endormie. Ces mouvements violents et ces sons et cette apparence d'agitation mentale divergent beaucoup trop du critère comportemental mentionné précédemment. Entre parenthèses, il y a un autre usage du mot cauchemar dans lequel notre seul critère que quelqu'un a eu est un cauchemar et qui nous explique un rêve très déplaisant au réveil. Dans ce sens du mot, son état de sommeil... Dans le sens de ce mot, il y a un état de sommeil, il peut avoir parfaitement satisfait le critère mentionné au chapitre 6, dans celui que je viens d'évoquer. Il n'y aurait pas de glissement du sens du mot « endormi » de dire qu'il a eu un cauchemar quand il était endormi. Notez bien que dans cet usage, le critère permet de dire qu'il avait un cauchemar et pas qu'il a un cauchemar. Alors, vous voyez quand même que là, on est à mi-chemin entre moi, ce qui me paraît être un argument un peu ad hoc, et quelque chose qui est une espèce de trait un peu de raisonnement sophistique où il insiste bien pour dire la personne avait un cauchemar. Certes, mais alors pourquoi nier quand même l'évidence que le rêve, que le cauchemar, pardon, est une forme de rêve assez particulier. Lacan parle de rêve d'angoisse. N'allez pas dire quand même, je ne sais pas si c'est le cas pour certains d'entre vous, un patient borderline qui fait systématiquement des rêves d'angoisse, qu'il ne rêve pas. Hein. Chez des patients comme ça, la fonction alpha fonctionne très bien, sauf qu'elle est en train en permanence de devoir digérer des objets internes tellement virulents que les rêves de ces patients-là les amènent même parfois à refuser le sommeil. Hein. C'est quand on dit en général à un patient... Voilà, Vous ne dormez plus parce que vous ne souhaitez plus rêver, ça, je pense que ça a quand même des effets. Voilà. Donc, c'est le problème de Malcolm n'est pas du tout. Il y a quelques références psychopathologiques sur la fin du livre, mais c'est quand même assez restreint. Moi, je trouve que la richesse de la dernière génération de Wittgensteiniens, comme Daniel Moyal-Sharrock, par exemple, qui a traduit de la certitude, c'est d'aller quand même un peu se renseigner du côté de la psychopathologie pour voir aussi quelles peuvent être la limite de certains concepts, hein, et d'interroger un peu l'élasticité comme ça de certains critères vis-à-vis de ce genre de choses. Donc, chapitre suivant, l'exemple parfait de l'usage qualificatif endormi, c'est le sommeil profond, l'expression anglaise sound sleep, le sommeil, se dormir du sommeil du juste. Hein, voilà. L'emploi archétype de c'est il est profondément endormi. Les autres usages sont en fait des abus de langage dans lesquels on ne fait pas de place aux nuances possibles concernant le sommeil de quelqu'un. Je vais en venir. Vous voyez un petit peu l'espèce de décentrement quand même auquel ça oblige. Hein. Je vais arriver à la thèse centrale du livre qui est au chapitre 12. Alors, d'où provient le concept de rêve, dit Malcolm. Nous sommes fortement enclins à penser au rêve comme un état interne ou un processus de l'âme, et de supposer que chacun d'entre nous arrive au concept du rêve, en prenant note de ce processus en lui, mais cette idée fait émerger des problèmes insolubles. D'une part, comment pourrait-il être déterminé que les états internes de différentes personnes sont les mêmes, et ce faisant qu'ils veulent dire la même chose par le mot « rêver ». Alors ça, c'est un problème assez classique, effectivement, qui est comment rendre compte, effectivement, du fait que nous ne sommes pas tous solipsistes, hein. Comment aussi avons-nous connaissance de ce qui se passe dans les autres esprits ? On ne peut pas, pour Wittgenstein, partir d'état interne. On fait toujours référence à un langage préexistant. Et il refuse l'idée qu'il pourrait y avoir comme ça un langage privé de certains phénomènes internes. Et même pour un phénomène interne, on a besoin d'un critère externe. Alors, il y a eu toute une génération, ça c'est aussi une problématique en philosophie analytique très complexe, il y a eu toute une génération de philosophes, à commencer par Wisdom, Austin, Putnam, qui chacun ont travaillé sur cette question de other minds, les autres esprits. Donc, thèse essentielle, page 55. Ce que nous devons dire, bien que cela semble paradoxal, c'est que le concept de rêve dérive non pas du fait de rêver, mais des descriptions des rêves, du phénomène familier que nous appelons raconter un rêve. Si après s'être réveillé, un enfant nous dit qu'il a vu, et fait certaines choses dont aucune ne peut être vraie, et que la relation avec ces incidents est spontanée et n'a pas l'apparence de l'invention, alors ça, je ne sais pas comment il vérifie, alors nous lui dirions « c'était un rêve ». Nous ne questionnons pas s'il a réellement fait un rêve ou s'il a à peu près l'impression qu'il a rêvé. Bon. Alors, le côté intéressant de ce passage, c'est que Malcolm est quand même très attentif à le fait de savoir comment on peut avoir appris le jeu de langage lié au rêve. Mais ça l'oblige, là encore, à une définition négative un petit peu curieuse qui est « rêver de paix implique non-paix ». Voilà. Pour pouvoir reconnaître qu'un récit est un récit de rêve, ce n'est que en mesurant le décalage avec la réalité, c'est-à-dire le récit de rêve doit contenir des éléments fictionnels ou impossibles. C'est vraiment dans ce décalage-là qu'on mesure si le récit qu'on fait est bien un récit de rêve. Alors, on voit un petit peu ce qui veut dire. Mais bon, moi, je reste toujours un peu sceptique vis-à-vis de cette définition, parce que, d'une part, on ne passe pas son temps à vérifier que on a bien rêvé X ou Y en comparaison avec la réalité. C'est un critère qui est pour les personnes effectivement extérieures, je dirais aux rêveurs, hein, qui veulent examiner, ce n'est pas un critère qu'on utilise en première personne. Quoique David Pearce dit d'accord, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer quand même qu'un rêveur, dans l'espèce de référence quand il essaie de recomposer son rêve, vis-à-vis des espèces d'essais, erreurs qu'il va faire, n'est pas non plus lui aussi besoin un peu d'un critère, d'une espèce de critère d'adéquation avec son propre souvenir. Je vais parler de la mémoire après. Et puis, je trouve que Malcolm, même d'un point de vue strictement philosophique, confond deux choses. Il confond ce qui est impossible et ce qui est irréel. Il dit quelque chose qui est vraiment faux, c'est-à-dire dans le rêve, we can square the circle. Non, on ne peut jamais avoir la représentation de ce qui était dans, pour les médiévaux, les impossibilia, c'est-à-dire un rond carré ou un rond triangulaire. Voilà, on peut avoir éventuellement une phrase effectivement qui nous reste, mais dans le rêve, à mon avis, il n'y a pas d'impossibilité logique. On peut rêver qu'on vole, certes, c'est des impossibilités physiques, mais pas des impossibilités logiques. Le récit de rêve devient donc le critère des occurrences internes. Voilà, ça je l'ai dit. Alors, autre citation par rapport à... par rapport toujours à ce chapitre. Une fois que Malcolm a dit ça, on se demande effectivement qu'est-ce qui fait de l'événement, l'occurrence de qui s'est passé pendant le sommeil, qui s'appelle le rêve. On se dit, bon, est-ce qu'il ne retient finalement uniquement que le récit? Alors, il précise sa pensée, mais je n'essaie pas d'affirmer que le rêve est l'impression que l'on a rêvé. Cela serait auto-contradictoire. Bien sûr, je n'essaie pas de dire ce que le rêve est. Je ne comprends pas ce que cela signifierait de faire cela. Je tiens simplement à rappeler que dans notre discours quotidien sur les rêves, ce que nous considérons comme déterminant au-delà du doute que quelqu'un a rêvé, c'est qu'il puisse nous raconter en toute sincérité un rêve ou dire qu'il a fait un rêve. Bon. Alors, à partir de là, effectivement, une importance particulière est donnée au récit de rêve, chose que les psychanalystes, auxquels les psychanalystes attribuent une importance évidemment cruciale. Mais alors, quelle devient la référence au niveau mémoriel du rêve? Le seul point de référence du souvenir, c'est effectivement, pour Malcolm, ça reste quand même le récit. On ne comprendrait pas que quelqu'un change successivement de récit de rêve à plusieurs reprises, le remanie en permanence. Et alors là, il y a une note de bas de page, qui forcément arrête le lecteur psychanalyste, qui est la suivante. On nous dit qu'un patient en psychanalyse peut radicalement changer son premier récit de rêve, account, après 6 mois de traitement. Alors pourquoi 6 mois de traitement? Je sais pas, Lacan disait... Les succès thérapeutiques de psychanalyse, les plus gros succès, on les mesure dans les 6 premiers mois. Alors, je ne sais pas s'il y a une espèce de lien qu'il faudrait faire, aucune idée. Je continue la citation. Puisque cette réaction est si différente du phénomène normal qui consiste à raconter ses rêves, il est préférable, je pense, de dire qu'en psychanalyse, il y a un concept du rêve qui est différent que de dire qu'en psychanalyse, on découvre réellement ce qu'on a rêvé. C'est intéressant parce que il a quand même compris effectivement quelque chose d'essentiel. On n'est pas dans une espèce de vision de la psychanalyse qui serait une espèce du Brice scientiste. Hein. Il voit bien ce qui se joue, hein, bon, évidemment, sur l'importance du récit de rêve. Mais la question avec laquelle on reste, et moi je ne serais pas capable de trancher là maintenant, et puis ce qui va sûrement vous interpeller, c'est est-ce qu'on utilise vraiment un jeu de langage spécifique en psychanalyse ou pas? Ou est-ce qu'on a prolongé un jeu de langage qui était déjà là en lui donnant des objets différents? Voilà, ça c'est quand même une question qui est importante. En sachant que, dans la trame de Tung, au début, il y a quand même quelque chose de très important, c'est que l'argument extrêmement fort de Freud, ça consiste à dire, de toute façon, le rêve, c'est quelque chose qu'on va interpréter. Donc, autant se doter d'une science des rêves, hein, si on choisit cette traduction-là, en tout cas d'un système de rationalité qui va être peut-être en décalage avec ce qui relevait jusqu'à présent du sens commun. Sauf que, on avait une discussion avec Pierre-Henri Castel une fois à ce sujet, c'est que il y a quand même aussi une dimension particulière chez Freud, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais qui est qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a quand même un référent où on vient de dénoter des fois dans le rêve quelque chose qui est transformé, qui pouvait être, notamment dans l'hystérie, un symptôme, hein, ou des choses comme ça. Or là, c'est quand même quelque chose qui, chez Malcolm, disparaît très fortement. En tout cas, bon, c'est pas, en tout cas, c'est pas sa question. Voilà. D'ailleurs, maintenant que ça me revient à l'esprit, par rapport au cauchemar, à sa négation du cauchemar, bon, dans la série des choses que ce travail peut m'évoquer d'un point de vue psychanalytique, je ne sais pas si ça vous est arrivé avec certains patients. Moi, je sais que je travaille dans une zone extrêmement rurale et, bon, c'est peut-être le cas de patients à Paris et dans la couronne parisienne, mais les gens qui viennent me voir, pour beaucoup, n'ont absolument aucune idée de ce que c'est que le dispositif psychanalytique. Hein. Bon, et alors, on va quand même un peu à la pêche. Des fois, on leur dit, est-ce que vous faites des rêves? Est-ce que vous rêvez? Bon. Et il y a une réponse qui, moi, m'a marqué, qui n'était pas une réponse isolée, qui est une réponse qui revient, qui est, je ne fais pas de rêve, par contre, je fais des cauchemars. Bon. Donc, je trouve que ça, c'est intéressant, ce travail-là, de ce point de vue-là. Ou alors, il peut arriver qu'un patient vous dise, des rêves, c'est-à-dire, la nuit, oui, ça m'arrive, mais je ne m'en souviens pas trop. En général, c'est des rêves, oh, ça n'a pas beaucoup de sens. Oui, mais par contre, dans la voiture, oui, je rêve, j'ai beaucoup de pensées, etc. Ça, c'est des choses, bon, voilà. Juste une remarque qui me revient. Alors, retour aux rêves et mémoires. Alors, problème vis-à-vis de la mémoire du rêve, vis-à-vis en regard avec la thèse de Malcolm sur l'impossibilité de juger, etc. Et surtout sur le fait, il tient absolument au fait que dans le sommeil, il n'y a absolument aucun état de conscience. On parle du souvenir du rêve par abus de langage, mais il ne s'agit pas de la même mémoire. Ce souvenir du rêve, ça voudrait exiger qu'on a été conscient au moment où on rêvait du rêve, et que donc, par ce biais-là, on peut s'en souvenir. Alors là, il faut aller regarder un peu dans un autre travail de Malcolm, où justement, à la fin, il cite Dreaming, qui s'appelle Knowledge and Certainty. Et à la fin, il y a trois essais sur la mémoire. Et donc, il discrimine plusieurs usages du verbe « to remember », en distinguant ce qui relève de ce qu'il appelle la mémoire personnelle et la mémoire perceptuelle, hein, qu'il considère comme des ajouts à ce verbe-là. Et pour lui, ce qui est central, c'est ce qu'il appelle la mémoire factuelle, bon. Dont il donne la définition suivante. Dans la mémoire factuelle, c'est « B se souvient de P, si et seulement si, il sait P, parce qu'il savait P ». Donc pour savoir, il faut être conscient. Et à la fin de son chapitre, comment est-ce qu'il va faire pour retomber sur ses pattes? Dans la conclusion de l'article, c'est « Le rêve est un cas spécifique de mémoire. Le fait que le rêve contredise ma définition ne veut pas dire que la définition de la mémoire factuelle est fausse, mais qu'elle ne rend pas compte de cet usage particulier de la locution. » Ce qu'il a aussi est quand même un bricolage où je trouve qu'il aurait sûrement mieux fait de s'interroger peut-être sur peut-être la thèse de Dreaming, mais bon. Y a quand même quelque chose, moi, qui m'a marqué, c'est que, en plus, dans son travail sur la mémoire, il va consacrer après tout un volume qui va s'appeler Memory and Mind, qui est un sacré pavé de déconstruction des thèses représentationnalistes, de la thèse code de la mémoire comme stockage, des textes déjà qui préfigurent ce que vont être les neurosciences. Et il distingue la grammaire de to remember et to remind. Et ce que Malcolm n'envisage pas du tout, c'est le fait qu'il y a un oubli, hein, qui est co-substantiel au souvenir du rêve. C'est-à-dire qu'il y a quand même, d'une part, un référent auquel on renvoie, qui est quand même un référent mémoriel par rapport au récit. Hein. C'est-à-dire, bon, on sent bien le patient galérer, retrouver. Bon, il y a la marque du refoulement. Mais la grammaire de l'oubli n'est pas l'exacte symétrique d'une grammaire du souvenir. si j'avais fait un petit travail là-dessus, mais ce serait bon, peut-être un peu technique d'aller sur ce terrain un peu long, surtout. Mais à mon sens, c'est plus clair en anglais la distinction entre « to remember » et « to remind ». Il y a aussi « recall ». Mais on ne se souvient pas d'un rêve. On s'en rappelle. Bon, c'est une idée que je vous soumets. Vous faites un pas de plus en estimant que le contenu du rêve a un impact sur le fait de s'en souvenir. Là, on commence à être dans des terres freudiennes. Bon. Alors, quid donc de quand même du lien finalement entre le rêve en tant que phénomène, hein, en tant que voilà, qu'il estime ne pas pouvoir avoir une autonomie de sens de plein droit, et son récit. Donc pour lui, les deux sont liés par une dépendance logique. Il dit, c'est une référence à lire entre les lignes, une référence à Gottlob Frege, le rêve et le récit de rêve ne sont pas la même chose que l'étoile du soir et l'étoile du matin, qui ont pour dénotation Vénus, hein, c'est le texte de Frege, Sinne Beitetung. Et donc Malcolm part du constat suivant, on est embarrassé si on pense au fait que les gens pourraient rêver sans avoir jamais fait un récit de rêve. Bon. Si la Terre était peuplée d'obsessionnels en béton armé, on peut imaginer que ce serait le cas. Ou bien s'il racontait des rêves sans par exemple en avoir jamais fait. On ne peut pas quand même avoir l'un dans le package sans l'autre. On ne peut pas trouver à proprement parler une définition particulière, mais on peut juste vérifier si la rêve est vraie par l'intermédiaire du récit de rêve. Alors, un point qui est important aussi dans sa thèse, c'est que, évidemment, il en arrive au constat qui, je dirais, relève un peu de la palisse, hein, c'est que le jeu de langage du récit de rêve se conjugue au passé. Constat bon, qu'on partage avec lui. Alors, ça, c'est aussi un point sur lequel peut-être vous aurez des choses à dire après. Les patients arrivent en séance et nous disent « Bon, j'ai rêvé, etc., j'ai fait un rêve, bon, ça peut, cette nuit. » Mais est-ce qu'il y a beaucoup de vos patients qui vont conjuguer l'intégralité du récit de rêve au passé? Ou est-ce qu'une fois qu'ils sont dans le récit, ils parlent au présent? Je suis... Il y a des variations. Alors, est-ce que, justement, le décalage entre les deux peut avoir un sens bien, bien spécifique qu'on pourrait rapporter à d'autres questions relatives à... Qu'est-ce que ça engage, hein, justement? Voilà, je suis à tel endroit, avec ma mère, la maison brûle, voilà, et patati patata. Alors, un truc aussi que je trouve extrêmement marquant, et Sébastien a peut-être quelque chose à dire à ce sujet... C'est la spontanéité avec laquelle les enfants, lorsqu'ils jouent, peuvent conjuguer, pour bien spécifier qu'ils jouent, certaines phrases à l'imparfait. Je sais pas si ça vous marque, ça. C'est-à-dire, on disait que tu faisais le méchant ou que tu faisais la maîtresse et on était à l'école, etc., etc. Je sais pas si ça vous marque, ça, mais quand les enfants jouent beaucoup, spontanément conjugue des phrases comme ça au passé. Ce qui est neuf, hein, c'est... quand on était petit. Ça n'existait pas. On disait, on dirait. On dirait, c'était le conditionnel. Ouais. Voilà. Bah, aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup d'enfants disaient. Alors, je me demande si c'est une idée qui m'est venue à l'esprit, hein, sur laquelle je n'ai pas de prétention. C'est pas un passé. C'est modal. C'est modal. Ça veut dire, c'est parce qu'en français, il n'y a pas de. C'est l'imparfait au sens de l'acte, de l'action, dont on retient qu'elle n'a aucun ancrage par rapport au moment où on la prononce. Tu serais, ou même que tu lis au conditionnel ou à l'imparfait, dans plein de langues, c'est comme ça. Hein. C'est pas un passé. C'est l'imparfait au sens d'un processus qui n'est pas ancré dans la réalité. C'est ça. Donc ils font en fait un usage parfaitement linguistique de l'imparfait. C'est ça quand souvent les gens s'imaginent que c'est une erreur, et il y a même des adultes qui le corrigent. Or, c'est parfaitement linguistique. Vous le diriez en latin ou en grec, ça ne ferait aucun doute. Oui. Ce serait la modèle. C'est parce qu'il y a des modalités du parfait et de l'imparfait. Il y a plein de langues. français, on n'a que l'imparfait pour désigner ça. Et notre imparfait est utilisé à l'indicatif en référence au passé. D'accord. Bon, mais je... Non, c'est pas une... C'est-à-dire, oui, bon, mais c'est... Bon, j'avais imaginé un peu naïvement que bon, ça permettait peut-être d'arriver à tisser un peu un lien entre le... Je dirais une forme d'associativité commune au récit de rêve et au jeu. Mais bon, après... Voilà. Mais on peut dire... Hein, bah, tiens, on serait... Mmh. On serait... Sur le conditionnel, ouais. Ouais, on serait... Je ne me rappelle pas de quoi j'ai rêvé. Si vous vous en rappeliez, à quoi vous auriez rêvé? Ça n'empêche pas de dire ça. Ça marche d'ailleurs, en général, il y a des trucs qui viennent après. Hein. Bon, je vais terminer avec le... Je vous ai endormi. Est-ce que vous avez rêvé? J'ai rêvé à l'exposé sur Malcolm, dont il va nous parler tout à l'heure. Oui. Alors là, ce serait problématique, parce qu'effectivement, ça démontrerait sa tête. D'accord. Bon. C'est pas grave. Alors. Vous allez pouvoir nous renseigner. Alors, la dernière partie sur laquelle je vais consacrer un petit bout, là. C'est sur les premiers travaux qui ont trait au REM, hein. pas le groupe de musique qui s'est d'ailleurs inspiré de ça, que j'aime beaucoup, mais le Rapid Eye Movement, hein, qui est une première, qui est devenue un classique depuis, des études sur le sommeil, mais qui est une première expérience menée en 1953 par Eugène Azerinsky et Nathaniel Kleitman, qui réalise une observation des mouvements rapides des yeux sur certaines phases de sommeil. Les yeux bougent de manière synchrone sur une durée d'une moyenne de 20 minutes, constante chez le sujet, pendant à plusieurs reprises, pendant les phases de sommeil. Il réveille les gens pendant... C'est mesuré, tout ça, évidemment, avec tout un appareillage. Hein. Les gens sont réveillés pendant ces périodes et spontanément, ils évoquent des récits de rêve. L'expérience s'est renouvelée. Donc, il y a un autre article de Dement et Kleitman qui, eux, vont aller plus loin et qui vont élaborer une corrélation statistique, hein, à tel point qu'ils en arrivent même à l'hypothèse de travail suivante, enfin, même plutôt une conclusion, que majoritairement, les rêves ont lieu... dans les phases de sommeil, donc avec REM, et que lorsque les gens racontent des récits de rêve, je crois que c'est 20% à peu près, mais voilà, lors des phases où il n'y a pas de REM, eh bien, c'est parce qu'ils ont un souvenir résiduel des phases précédentes. Bon. Alors, ce qui inquiète très fortement Malcolm, il va critiquer l'idée qu'il n'y a pas de synchronisation, enfin, c'est pas vraiment le mot, mais qu'on ne peut pas juxtaposer la durée du temps physique observé extérieurement avec le temps psychique. Alors c'est vraiment... On voit là quand même qu'il y a des... Quand on s'attaque à ces questions, il y a des trucs communs. C'est vraiment une thématique qui aurait pu être traitée par Bergson aussi, sur durée, temps, etc. Bon, je ferme la parenthèse. Donc ce qui inquiète Malcolm, c'est que le REM, ou ce que produit en tout cas... cette expérimentation devienne le nouveau critère du rêve, hein. Ou en tout cas bon. Et pour lui évidemment ça reste le récit. Alors j'ai traduit là un passage un petit peu long mais qui est très parlant, page 80, je vous cite. Dement et Kleitman proposent un nouveau concept dans lequel les notions de localisation et de durée des rêves dans le temps physique et la distinction subjectif-objectif auront une place. Nous devons considérer les conséquences de ces stipulations et nous demander s'il est bien approprié d'appeler cette création un concept du rêve, dreaming. Si le mouvement rapide des yeux pendant le sommeil devenait le critère du rêve, une conséquence serait que si quelqu'un devait raconter un rêve, son impression qu'il a rêvé serait une erreur. et pas dans le sens que les incidents qu'il a relatés se sont réellement déroulés, et donc que son impression n'était pas celle d'un rêve, mais celle de la réalité. Hein, Malcolm ne désarme pas par rapport à son critère, voilà. Donc il a même peur que le critère du REM ne remette en question l'occurrence des rêves que les gens peuvent s'approprier. Une autre conséquence est qu'il serait possible de découvrir que l'affirmation d'un homme qui a fait un rêve sans sommeil, dans son sommeil, serait une erreur. Ici, nous aurions à choisir entre le fait de dire qu'il a oublié ses rêves ou s'il n'en était pas conscient lorsqu'il a rêvé. Les gens devraient être informés à leur réveil qu'ils ont rêvé ou pas, au lieu de nous en informer, comme c'est le cas pour l'instant. Il pourrait arriver qu'il y ait une tribu de personnes, alors ça c'est une petite vignette qu'on retrouve dans les remarques sur la philosophie de la psychologie de Wittgenstein, sauf que lui en fait quand même un autre usage. Alors il pourrait arriver qu'il y ait une tribu de personnes parmi lesquelles le phénomène qui consiste à raconter un rêve est complètement inconnu, et pourtant les expériences physiologiques que l'on mène sur eux prouvent que toutes les nuits, chacun d'entre eux rêve. Considérons à quel point l'apprentissage du nouveau concept serait différent. À l'heure actuelle, un certain type de narration produit dans un certain type de circonstances est ce que nous appelons « raconter un rêve » et nous apprenons à un enfant à préfacer ses récits avec le mot « j'ai rêvé ». Si le critère physiologique était adopté, raconter un rêve serait une indication plus ou moins fiable du fait de rêver. Ce ne serait plus comme maintenant une définition du type « quelqu'un qui raconte un rêve a rêvé ». Nous n'aurions plus de base pour lui apprendre qu'il faut commencer ses récits par « j'ai rêvé ». Alors là, ça devient super fortiche. Pour lui enseigner le nouveau concept de rêve, nous devrions lui expliquer le dispositif de l'expérimentation philosophique qui a permis d'établir de nouveaux critères. Si le genre humain cessait de raconter des rêves, le critère physiologique du rêve pourrait toujours être employé avec des résultats possiblement affirmatifs. Beaucoup d'informations à propos des habitudes de rêve des gens pourraient continuer à être collectées, mais ce que nous appelons rêve ne serait plus d'aucun intérêt pour les poètes, les psychanalystes, les philosophes, et nous tous, enfants et adultes, qui aimons les contes étranges. Alors, bon, dans je dirais cette thèse-là, moi je suis assez ému par ce que Malcolm essaye de défendre et son inquiétude vis-à-vis de la naturalisation du rêve. Mais on imagine quand même le gamin qui se réveille à 2h du matin parce qu'il a fait un cauchemar, et puis la mère qui lui dit « Bon, alors je vais t'expliquer, on a mis des gens dans un dispositif, on a mesuré leur truc. » Enfin, jamais les progrès de la science ou la naturalisation de la pensée, je crois pas, n'ont empêché les êtres humains de construire toute une rationalité qui leur est propre, ou en tout cas des choses qui peuvent paraître absolument irrationnelles. Ce qui serait beaucoup plus intéressant, je trouve, comme question, qu'elle soit philosophique ou psychanalytique, c'est de se demander ce que la naturalisation du rêve produit justement dans les récits, ou en tout cas dans le discours que les gens peuvent avoir à ce propos. On a l'impression qu'il a peur, là, comme si on allait être dans une espèce de société totalitaire. Enfin, je force un petit peu le trait, mais quand même, le genre humain cessait de raconter des rêves. Si on venait effectivement à trouver un critère externe, pourquoi est-ce que les deux critères, on peut pas imaginer, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à imaginer que les deux critères pourraient cohabiter? Il y a un article que Pierre-Henri Castel avait écrit il y a déjà quelques années, « Peut-on sérieusement interpréter un rêve ?» où je trouvais là une remarque qui était extrêmement pertinente. Si un jour on arrive quand même à naturaliser les rêves, je crois que c'est en 2004 que des scientifiques ont réussi à filmer, enfin, à extraire des images du cerveau d'un rêveur, ça n'épuise pas le fait que les gens auront toujours une forme d'herméneutique spontanée vis-à-vis de ce du contenu de ce qu'ils rêvent. Bon. La naturalisation du rêve n'épuise pas le fait qu'on puisse y donner un caractère intentionnel. Et puis, on peut bien filmer les rêves, ce sera quand même toujours du contenu manifeste, hein, ce ne sera pas du contenu latent. je sais pas là combien de temps. Oui. 1h05. Je vais faire quelques remarques un peu en commentaire de la thèse. J'ai encore quelques minutes. Alors, ce que je trouve critiquable et assez dommage dans cette monographie, c'est que Malcolm écrase complètement, je dirais, la qualité de l'investigation phénoménologique qu'on peut attribuer à un phénomène comme le rêve. C'est-à-dire, il est dans une recherche tellement, je dirais, angoissée d'un critère qui ne serait pas quand même un critère de définition, mais qui serait une espèce de critère de démarcation pour bien vérifier le sens de certains énoncés, et qu'on puisse le faire comme ça depuis l'extérieur, que ça, il n'envisage jamais une exploration de la question du rêve à la première personne. Alors, c'est évidemment complètement anti-cartésien et anti-psychologique, mais est-ce qu'on peut, dans une philosophie du rêve, et même, je dirais, dans la grammaire de rêver, complètement exclure cette question de l'exploration du rêve à la première personne? Parce que, tout de même, chez Wittgenstein, il y a cette question qui reste. Déjà, Wittgenstein, même s'il refusait l'idée qu'on puisse avoir une phénoménologie au sens d'un système comme ça phénoménologique, hein, la postérité du courant phénoménologique, vu son pathos, à mon avis, lui a quand même donné un peu raison, il refusait le système phénoménologique, mais il précisait bien qu'il y avait des questions phénoménologiques auxquelles on pouvait s'attaquer. Et puis, je dirais, la qualité de la forme de la pensée de Wittgenstein fait qu'il reste toujours une porte ouverte pour une espèce de subtilité où Wittgenstein, comme ça, interpelle le lecteur sur des formes comme ça. Dans son questionnement même, à tel point que certains commentateurs de Wittgenstein estiment que souvent il a pu écrire sur le ton de la confession, hein, un peu en référence à saint Augustin, plus que de faire vraiment comme ça une espèce de philosophie analytique. Enfin, de toute façon, dès les recherches, c'est assez palpable. Donc c'est... Voilà pour cette remarque. Alors, il y a aussi, je dirais pour un Wittgensteinien un peu conséquent, quelque chose moi qui m'a énormément marqué, c'est qu'à aucun moment, Malcolm n'utilise un concept qui aurait pu être essentiel, qui serait celui de forme de vie. Et qui permettrait, à mon sens, de rendre compte comme ça de l'espèce de tension qui existe entre le phénomène du rêve et puis les jeux de langage qui peuvent émettre comme ça, qui peuvent ressortir du rêve. Wittgenstein dit, imaginer un jeu de langage, c'est imaginer une forme de vie. Bon, le contraire est pas, enfin, la réciproque n'est pas forcément vrai. Certaines formes de vie vont peut-être pas donner obligatoirement lieu à des jeux de langage. Encore faudrait-il que les commentateurs de Wittgenstein se mettent d'accord là-dessus. Certains estiment que les formes de vie sont plus à rechercher dans les régularités anthropologiques, les règles et les usages. Certains ménagent quand même une place pour une forme quand même de, je dirais, de naturalisme assez restreint. Chez Wittgenstein, qu'on trouve quand même jusque dans la certitude. C'est curieux, chaque fois qu'on ouvre une boîte crânienne, il y a un cerveau dedans, comme c'est curieux. Bon, je ne veux pas trop m'attarder sur le commentaire de Wittgenstein, parce qu'il faut rester sur cette thèse-là. Mais je parle de ça parce que je vois mal comment on pourrait nier l'occurrence des rêves quand même d'un point de vue universel, et puis l'oniromancie est quand même presque aussi vieille que la pensée. Je m'emmène un petit peu les pinceaux, mais c'est pas grave. Bon, je voulais arriver à l'idée que sur ce travail-là, que de ce fait, je trouve que Malcolm aurait pu faire un parallèle justement entre le problème qui consiste à se demander comment on a appris « j'ai mal » sur le jeu de langage de la douleur, et que Wittgenstein distingue absolument de « il a mal ». Quand on dit « il a mal », on émet effectivement un jugement comme ça à partir d'un critère extérieur. Pour Wittgenstein, quand on dit « j'ai mal », c'est qu'on a donné une forme, parce qu'on l'a appris, une forme particulière à la douleur, et qu'en fait, le jeu de langage de « j'ai mal », c'est une extension. Hein, c'est-à-dire une expression au sens que Gilbert Ryle va donner après, AVOWL, A-V-O-W-L, de l'expression de la douleur. Et ça, c'était une... Je ne sais pas si vous l'aviez relevé, mais moi, je me demande s'il n'y a pas, dans la question du jeu de langage du rêve, deux choses qui seraient... Cette nuit, j'ai fait un rêve qui serait justement une expression sur l'occurrence du rêve, et... J'ai rêvé que P, qui serait une description, et que quand on travaille sur le rêve, on est toujours pris dans l'espèce de tension qu'il y a entre les deux. Et que on peut très bien imaginer, effectivement, mais ça c'est un des nerfs de la guerre de la thèse freudienne, que le patient ne se souvient pas du rêve, mais il sait qu'il a rêvé. Et voilà. Je voulais mettre l'accent là-dessus. Eh bien, très bien, parce qu'en fait, c'est ce que je croyais apporter. Bon, c'est-à-dire qu'effectivement, une des particularités de la phrase « j'ai mal » comme Wittgenstein l'analyse dans le cahier brun, qui n'est pas partout, mais qui l'analyse très souvent, c'est que, pour après tout, les états de douleur des autres, on n'y a pas accès. On peut très bien, ils sont justement pas forcément expressifs. Mais pour que j'ai mal... et une valeur, il ne faut pas que ce soit simplement un énoncé comme j'ai mangé du poulet à midi. Hein, Il faut que ça soit proche de « aïe ». C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du « aïe » dans « j'ai mal ». Et qu'un des critères qu'il propose, c'est qu'au fond, si on marchait sur le pied et si c'était de la bouche, de Gilles que sortait le aïe, on aurait une sorte là de décalage complètement absolument impossible, ce qui nous mettrait en difficulté, parce qu'il faut que ce soit de la bouche même de celui qui dit j'ai mal, que sorte le j'ai mal, comme de sa bouche sortirait quelque chose comme aïe. Et qu'un énoncé de ce genre ne peut donc être vrai, non pas parce qu'il décrit un état de choses, comme si mon « j'ai mal » était la description d'un état interne, hein, du genre « j'ai eu un pontage coronarien hein, », vous ne le voyez pas non plus, mais bien quelque chose qui tient du cri, qui tient du cri et qui prend le corps. C'est même, ça va beaucoup plus loin que l'évoile de Ryle, hein, qui est encore une modalité linguistique, c'est qu'il faut que ça s'ancre dans cette réalité-là, hein, de l'expression et du cri. Et effectivement, pardon. Pour que quoi ? Pour que on considère que l'énoncé est valide et que la personne qui dit j'ai mal a vraiment mal. Si ça ne ressemble pas, par certains critères, à aïe, hein, et que ça ressemble trop à la description extrêmement perturbante d'un état interne auquel on se référait en communiquant une information dessus de manière purement descriptive, ça ne vaudrait pas comme un aïe. Donc ça veut dire qu'il y a un autre auquel il faut qu'on s'adresse quand on dit j'ai mal, qui puisse être affecté, qui ait un corps qui puisse se projeter dedans, et tout un jeu de langage de ce type-là. Ça ne peut pas être comparé, par exemple, à une machine qui dirait, qui afficherait sur un écran « j'ai une panne », par exemple. Mmh. C'est pas quelque chose comme ça à dire « j'ai mal », une machine qui affiche « j'ai une panne ». Il y a une différence. Bien que, comme vous dites, « je rêve » ou « j'ai rêvé », en psychanalyse, en tout cas, ne saurait être interprété comme Malcolm le propose, comme un illocutoire. Un pur illocutoire, c'est-à-dire la description de quelque chose qui est en train de se passer, qui effectivement est impossible en tant qu'illocutoire, parce que ça ressemble à quelque chose qui consiste à à affecter autrui, à communiquer à autrui quelque chose, hein, de ça. Donc c'est un peu ça, moi, que je alors justement, je vais même très élaborer dessus, mais j'ai peut-être reprendre une ou deux choses de ce que vous avez dit, peut-être pour le clarifier. D'abord, sur le type de philosophie que fait Malcolm, il est hors de question pour Malcolm de s'intéresser à des phénomènes pathologiques, borderline, etc. Pour une raison de fond, qui est une raison d'ailleurs assez normative, c'est que la philosophie du langage ordinaire à l'époque, elle s'intéresse à ce qu'on peut faire avec le rasoir d'Occam, c'est en éliminant le plus possible toutes ces situations-là. Et donc il en arrive à cette situation où, comme vous l'avez très bien dit, on a un peu l'impression qu'il donne des définitions du rêve qui sont telles qu'effectivement on ne peut plus dire du rêve que ce qu'il en dit, à proprement parler, qu'il n'y a du rêve que par le récit de rêve. Et à un moment, Gilles Deleuze dit, on a l'impression que c'est des arguments ad hoc, hein, parce qu'effectivement, si on enlève le demi-sommeil, n'est-ce pas, quelqu'un qui dit dans un demi-sommeil, je dors, par exemple, si on enlève le cauchemar, si on enlève tous les états intermédiaires, etc., au fond, il reste plus que des situations qui sont statistiquement peut-être très rares, celles où on dort du sommeil du juste comme une souche sans rien dire, etc., et qui sont très idéalisées. Mais c'est pas du tout une insuffisance, c'est délibéré. Oui. C'est ça qui est, pour bien attraper ce qu'il veut montrer, Malcolm, il faut se placer dans la situation d'un philosophe qui ne cherche pas à faire une description anthropologique ou psychologique des usages possibles, etc., mais qui cherche à trier, à écarter de tous ces usages-là et ça, un noyau parfaitement, parfaitement ferme du rêve normal. Voilà. Et le rêve normal, c'est un rêve celui sur lequel ensuite tout le reste va se greffer, hein, c'est un rêve dont, prétend-il, il n'y a rien d'autre qu'un récit de rêve. Voilà, c'est ça qui est l'argument. Alors ensuite, il y a plusieurs paradoxes que vous n'avez pas relevés, mais qui ont été bien relevés par les critiques de Malcolm, mais sur lesquels j'aimerais quand même vous faire réfléchir, parce que c'est assez amusant. Les gens ont dit, d'accord, le critère du rêve, c'est donc le témoignage. Mais précisément parce que si le rêve n'existe que si un récit de rêve, c'est un drôle de témoignage, puisqu'il faut considérer que c'est le seul témoignage qui ne peut être que vrai, qui ne peut être que sincère. S'il y avait des témoignages insincères sur le « j'ai rêvé », on pourrait mettre en question, etc. Or, est-ce qu'un témoignage qui ne peut pas être insincère est encore un témoignage? Objection de Louis, qui, je crois, est extrêmement intéressante, mais qui met bien à contrario en évidence un truc chez Malcolm, c'est ce qu'il n'arrive pas à thématiser, qui est le caractère expressif du « je rêve ». Il n'arrive pas à le thématiser. C'est pour ça que je crois que c'est vraiment très important de montrer qu'il est allé jusqu'au bout d'une certaine interprétation psychologique du rêve. D'ailleurs, c'était publié dans les Studies in Philosophical Psychology, où d'ailleurs est publié aussi l'inconscient de ça. C'est la limite du moment où, au fond, on utilise des instruments philosophiques qui sont ceux de la référence, du sens et de la référence, et qu'on n'arrive pas du tout à penser le caractère expressif, que nous, le jeu de langage expressif de phrases comme « j'ai mal »,« je rêve », etc. Et le dernier point que je voudrais souligner, c'est qu'est-ce qui se passe si on n'est pas Wittgensteinien, mais austinien. C'est-à-dire, si on traite « j'ai rêvé » ou « je rêve » comme des performatifs, comme des paroles qui ont des conditions de succès, qui sont indépendantes, au fond, de savoir si elles décrivent, se réfèrent à un objet particulier, qu'elles décrivent correctement et sur lequel elles énoncent du vrai. Hein, c'est-à-dire que... Quelle est la condition de succès? Elle ne dépend pas, lorsqu'un patient nous raconte son rêve, ça ne dépend pas du fait qu'il nous décrive ce qu'il a rêvé pendant la nuit. une des choses que, qui est essentielle, c'est que ce qu'il est en train de raconter, et ça Freud est formel dans la trame d'Oitoum dessus, les associations qu'il fait après, sur le rêve, les choses auxquelles ont autant de valeur pour le psychanalyste que tout ce à quoi il pourrait se référer comme étant les événements qui, à tort ou à raison, il a vécu pendant la nuit. Ça, c'est vraiment, je crois, un point fondamental. C'est pour ça qu'on peut faire re-raconter de manière extrêmement fructueuse des rêves et qui, on a l'impression, ah, mais peut-être j'avais oublié de vous dire, ah, mais je ne sais pas si je l'ai vraiment rêvé ou si je l'ai pensé après. Nous sommes certains qu'à ce moment-là, il y a véritablement quelque chose qui est en train de se passer et qui est expressif, mais pas exactement du rêve, qui est expressif du désir du rêveur. Hein, et que c'est ça qui est en jeu. Et là, on arrive à ce point, c'est que la limite, hein, c'est pour ça que je trouve très intéressant le texte de Malcolm, c'est que il produit des paradoxes parce qu'il s'arrête au seuil où c'est une autre dimension du langage qui est en cause, qui est non pas la dimension illocutoire, la dimension notamment de la description, de la référence, hein, au sens de Searle, puisque se référer est un illocutoire, mais la dimension perlocutoire, non pas, autrement dit, l'effet que ça fait à autrui, comment ça affecte autrui quand on lui dit ça. Et en réalité, dans bien des cas, nous pouvons être affectés parce que quelqu'un nous raconte, et c'est ça, je trouve qu'on se rapproche bien de ce que raconte Bion, hein, d'être affecté de ce que quelqu'un raconte comme si c'était un rêve. C'est ça qui est très important, même s'il n'est pas en train de dire qu'il est en train de rêver. Et que qu'est-ce que ça veut dire quand on dit comme si c'était un rêve? Nous passons par ce jeu de langage qui est celui du rêve, parce qu'il y a une disposition, et Freud utilise ce vocabulaire. Alors, il disparaît un peu dans la trame d'Oitoum, mais il est extrêmement présent dans le chapitre 1, celui qu'on lit jamais bien, alors qu'il est absolument plein de philosophie. Une disposition, une Anlage, A-N-L-A-G-E, une disposition qui est permanente du rêve au récit du rêve. Et c'est... on est dans la même disposition quand on est dans le récit du rêve que quand on rêve en analyse. Et ce que le psychanalyste s'efforce de retrouver, c'est le type de disposition d'Anlage qui se déploie dans l'association comme étant l'actualisation de la même disposition que celle qui a causé le rêve. Dès ce moment-là, vous rendez bien compte que le geste bionien qui consiste du coup à dire le rêve au sens de la psychologie n'est qu'une instanciation particulière de ce qui s'actualise dans les associations, et qu'au fond la rêverie, qui n'est pas le rêve au sens psychologique, se produit partout, devient très, très crédible, puisqu'au fond, ça peut être aussi bien parler les yeux ouverts, ça peut être qui exprime cette disposition désirante, ce rapport à l'angoisse, etc., puisque Freud lui-même est obligé de diminuer la dimension purement psychologique du rêve de celui qui est endormi, les yeux fermés, qui se rappelle d'un événement dans la nuit, parce que les associations qui sont psychanalytiquement fécondes ne sélectionnent pas à proprement parler un souvenir d'événements nocturnes. Hein, mais ce qui se réactualise dans cette disposition. Et je trouve que ça, cette notion de disposition et d'expression, voyez, est impensable pour cette génération-là. Et d'ailleurs, la génération d'après, c'est très... Austin arrive comme et cisaille complètement des impasses de cette génération de Wittgensteiniens. Et Cavell va être celui qui va en assurer en quelque sorte la relève, hein, puisque c'est un peu Austin plus Wittgenstein, Cavell, parce qu'il apporte l'idée, mais qu'au fond, ce que raconte Wittgenstein... a dégénéré en une espèce de grammaire normative absurde dans lequel, comme vous avez vu dans l'exposé de Gilles, hein, on finit par définir le rêve normal d'une manière telle que ça ressemble plus à rien du tout de ce que nous appellerions le rêve. Et donc, on se retrouve en prendre le contre-pied d'une prétendue description du langage ordinaire. On fait une sorte de kantisme où on trie ce qui est légitime et ce qui est illégitime. Il y a des usages légitimes du concept de rêve et puis des usages qui sont illégitimes, ce qui est totalement, évidemment, le contraire de ce que vous trouvez dans les philosophies de la psychologie. Et donc, je suis très content que vous ayez eu cette idée que j'ai mal et je rêve doit être quelque part pris dans le même sens. C'est qu'au fond, nous n'attachons de crédit à quelqu'un qui dit « je rêve » que pour les mêmes raisons que nous attachons de crédit à quelqu'un qui dit « j'ai mal », à condition qu'il y ait une dimension, justement, de manière d'affecter autrui quand il en parle, qui soit congruente avec ça. Moi, j'ai une question à vous poser, puis je vais vous laisser la parole. On parle de récit de rêve. C'est effectivement, il y a une singularisation. Est-ce qu'on pourrait imaginer quelqu'un qui fasse un récit de délire, ou quelqu'un qui fasse un récit d'hallucination? Est-ce que l'expérience de l'hallucination se prête au récit ou du délire? Je délirais, comme par exemple ce qu'écrit Schreber. Est-ce que le fait de dire « je délirais » est un récit de délire au même sens où nous faisons un récit de rêve? Il me semble que quelqu'un qui dit « je délirais » délire toujours. C'est justement une des particularités, on en parlait tiens, d'ailleurs il y a la critique du délire, « Ah docteur, je délirais, mais maintenant je ne délire plus », soulève tout de suite un problème, c'est qu'il y a des agencements de croyances très particuliers qui sont tels que même si la personne ensuite vous dit « je délirais au passé », il n'y a aucune raison de croire qu'en fait, il n'est pas en train de délirer autrement, de faire une critique délirante de son délire, sauf que c'est moins évident ou moins facile de mettre... Alors pratiquement, on laisse les gens sortir de l'hôpital quand ils font des critiques de leur délire, parce que ça montre déjà qu'ils sont capables de s'ajuster à l'interlocuteur, et comme a fait très bien le magistrat, à partir du moment où Schreber dit « je ne ferai pas de prosélytisme pour ma forme de religion et je m'occuperai parfaitement de gérer les biens de ma femme », le magistrat a jugé à juste titre qu'il n'y avait aucune raison de garder ce pauvre homme dans un asile. Et donc il est rentré, alors il avait des voix partout, mais pendant plusieurs années, il a vécu, semble-t-il, tout à fait bien, hein, comme ça. Aujourd'hui, il faut toujours crever pour trouver un magistrat qui est comme ça... Le cran de libérer un Schreber sur la base des mémoires de Schreber. Mais en même temps, donc il y a un bon sens là-dedans. Mais vous voyez, en même temps, la question de savoir si on peut faire un récit de délire, comme on peut faire un récit de rêve, ça mériterait d'être soulevé. Puis moi, j'ai une autre question encore, mais un peu pour tout le monde. Est-ce qu'un enfant... quand il raconte ce qu'il fait sur un dessin. Est-ce que, dans le kleinisme, orthodoxe, standard, londonien, Bospilius, trois volumes, voilà, pour eux, ça fait absolument pas de problème. C'est l'équivalent psychanalytique strict d'un récit de rêve qu'un enfant voit. Raconte ce qu'il fait pendant qu'il joue, qu'il fasse un dessin, c'est du même ordre. Est-ce qu'on ne pourrait pas chercher quand même des critères, est-ce que ça vaut le coup de les chercher, qui nous permettraient d'attraper autre chose dans le récit ou l'accompagnement du dessin d'enfant que du récit de rêve ou éventuellement du récit de délire? Voilà, c'est un peu les questions que je voulais soulever, mais je crois que ça permet, je résume le sens de pourquoi j'ai demandé à Gilles Deleuze de parler de Malcolm, c'est que d'abord ça vous montre que le concept de rêve est un concept qui doit être construit. Et donc, ça ouvre la perspective de relire la trame d'Ointung, comme j'avais essayé de le faire il y a une vingtaine d'années, mais c'était très embryonnaire, en examinant comment Freud construit le rêve. Et j'attire votre attention sur le fait que la construction du rêve et du type du rêve qu'il fait, c'est que c'est un rêve qui est à la fois suffisamment normal pour que tout le monde fasse l'expérience du rêve, est suffisamment pathologique pour qu'il y ait quand même la possibilité de trouver les relations avec la névrose, avec le développement psychosexuel des trois essais, etc. Et donc là, ce qui serait très important, ce serait de caractériser le niveau entre le normal et le pathologique, où tantôt le rêve n'est pas du tout un symptôme, tantôt le rêve est un symptôme, et on bascule des deux, qui permet de typifier les choses. Puis de comprendre comment, quelle est la construction du témoignage, comment par exemple le témoignage qui ne peut pas... Nous, en psychanalyse, ça ne nous pose aucun problème que le témoignage que les gens donnent sur leurs rêves ne puisse pas être faux. Vous pouvez mentir tout le temps que vous voulez, de toute façon c'est vos désirs qui se trahissent. Donc au fond, un rêve est absolument sincère. Plus les patients mentent, et plus, il n'y a aucun problème, ils peuvent mentir tant qu'ils veulent. Le mentir est vrai par rapport à la disposition de désir qui s'actualise. Il n'y a rien de plus parlant qu'un mensonge dans une analyse. Et d'ailleurs, je vous rappelle, bien souvent, il m'arrive de commencer par demander dans les entretiens, alors je ne le fais plus maintenant, mais dans leurs entretiens préliminaires, quel est le premier mensonge dont vous vous rappelez ? Vous demandez aux gens quel est le premier mensonge dont ils se rappellent, le cours de votre analyse est écrit. Il n'y a plus qu'à se taire et encaisser. Mais c'est littéralement. Vous voyez, le premier mensonge du gosse, c'est on est en cœur de la machine fantasmatique. Ça s'exprime tout de suite. Le premier rêve du gosse, en général, je faisais les deux, hein, le rêve et le mensonge. Et c'est absolument sidérant, ce quelquefois, on sait. Bon. Comme ça fait un truc, j'ai laissé tomber. Enfin, vous voyez, il y a là toutes sortes de choses. Et une des perspectives que je voulais ouvrir pour penser à Bion, c'est que quelqu'un comme Bion, manifestement, a pris très au sérieux le mode de construction du concept de rêve chez Freud. Et notamment cette idée que ce qui s'actualise, c'est le désir, que nous passons par la voie royale du langage du récit de rêve, mais qu'en réalité, on peut s'en abstraire, et que le rêve est un nom, un mot, qui est juste quelque chose qui nous permet d'accéder à l'inconscient sans qu'on ait nécessairement à se référer à l'état des gens qui sont endormis, etc. Ce que Freud lui-même faisait. Mais pour ça, il faut s'appuyer sur une dimension très particulière, qui est la dimension affectivement expressive de ce qui se passe dans le récit du rêve. Et là, vous vous trouvez aux antipodes radicaux de l'interprétation lacanienne du rêve, qui, au fond, ne s'intéresse qu'à la dimension linguistique du rébus, hein, en particulier dans le livre de Safran, « L'inconscient et son scribe », dans lequel c'est pas du tout la manière dont on est affecté et dont on affecte autrui en communiquant un rêve qui fait la dimension de ce qui est sélectionné psychanalytiquement, mais c'est une dimension hyper malcolmienne que vous avez chez Lacan. C'est qu'au fond, on se fout totalement de ce qui s'est passé dans le rêve. Ce n'est pas l'expression de quelque chose. C'est la pure formule verbale qui surnage, et qui surnage même sans qu'il y ait d'eau dans laquelle ça flotte. Hein. C'est la pure formule verbale dans la forme du récit du rêve, qui elle-même est manipulée sans qu'on ait besoin d'avoir aucune expérience psychologique derrière. Et là, on est, vous voyez, dans un rapport au rêve qui est hyper malcolmien. Je trouve que là, pour oui, au fond, oui, yeah. D'ailleurs, sa grande peur de il y aura le jeu de langage du rêve et le critère du rêve est menacé. Ça fait pas penser à certains lacaniens qui pensent qu'on pourrait faire bobo symbolique un petit peu des fois. Non, enfin, je vais essayer de rebondir sur Bion après comme ce. Ben, je trouve quand même que Bion conserve une qualité sur les élaborations du rêve qui sont sur les images, etc., sur des affects qui restent quand même un peu un peu psychologique qui fait que je suis pour ma part sensible au fait qu'on puisse pas écraser une exploration du rêve à la première personne. Enfin, la construction, je dirais en séance aussi, vient nous interpeller sur notre capacité de rêver avec le patient. Et moi, il y a quand même une phrase de Bion qui m'a toujours marqué, qui avait marqué beaucoup Vincent Séguré. Je crois que, je ne sais plus si c'est dans les éléments de psychanalyse ou dans les transformations, c'est Bion, à un moment donné, dit « le patient dit qu'il a rêvé ». C'est-à-dire que Bion aussi, je crois, dans la psychose, prend tout à fait au sérieux le fait qu'un patient ne puisse ne pas rêver du tout. Et la question que je me posais en préparant ce travail, enfin, vous parlez du délire, hein, mais je vais y venir après. La question que je me posais, c'est Malcolm, quand même, préserve une nuance qui est importante, qui est de dire le jeu de langage du rêve, on peut l'utiliser très fréquemment d'une manière qui est sous-entendue. Plein de choses vont rentrer dans la case où j'ai rêvé que et quelque chose d'implicite. Et moi, je dirais peut-être la capacité chez certains patients notre capacité peut-être à restaurer la possibilité pour certains patients de rêver à nouveau, bon, peut être dépendante effectivement du transfert, mais également de du fait que peut-être dans le cadre psychanalytique, une certaine qualité illocutoire fait que, sans le savoir, on utilise le jeu de langage du rêve de façon implicite, mais de façon assez constante. Je ne sais pas si... C'est-à-dire que on peut imaginer effectivement qu'un patient ne rêve pas, mais si on travaille, ça peut paraître quelque chose d'évident, hein, je ne sais pas, en permanence, nous, de notre côté, dans une association qui donne un contenant justement à certains de ces affects, on est dans un jeu de langage implicite du rêve qui fait qu'à un moment donné, c'est qu'il y a une patiente phobique comme ça qui doit faire deux rêves par an, qui à mon avis est très psychotique, le patient un jour va arriver en lui disant « j'ai fait un rêve » alors qu'on s'y attendait absolument pas, que sa capacité de rêver est complètement absente. Et en général, quand un patient psychotique arrive à rêver, ce genre de rêve, on n'y touche pas trop. Hein, sur un registre de l'interprétation, il vaut mieux pas. Enfin, voilà, c'est peut-être un peu plus basique ce que vous avez pu dire, mais dans le rêve, ce qui est quand même marquant par rapport au délire, c'est que je crois que ça conserve une capacité réflexive que n'a peut-être pas le délire. Enfin, je ne sais pas. Quelqu'un veut réagir, associer sur ce qui vient d'être dit? Moi, je vois bien. Ouais, ouais. Ce que vous avez dit sur le parallèle, ou finalement l'extension du concept de rêve en séance à l'interprétation des jeux et des dessins des enfants, ça m'a évoqué plusieurs choses. Ça m'a évoqué d'abord justement la note de bas de page de Malcolm. Est-ce qu'il n'y aurait pas un langage du rêve propre à la psychanalyse? Et du coup, en tant qu'anthropologue, je me demande ailleurs, est-ce que on pourrait dire la même chose est-ce que c'est un jeu de langage australien du rêve. Voilà, un jeu de langage australien du rêve qui inclut autre chose que ce qu'on a coutume d'appeler le rêve, que par contre, anthropologiquement, on retrouve absolument, à ma connaissance, partout. En tout cas, selon ce que j'ai pu connaître dans mes lectures et sur mes propres terrains de recherche, les gens rêvent, racontent leurs rêves, font des récits de rêves, interprètent leurs rêves, si ce n'est pas dans les modalités de la psychanalyse, mais quand même, comme le disait Gilles, enfin, ça prête particulièrement bien à l'interprétation des rêves. Et l'autre chose qui... Donc vous diriez, parce que ça c'était une question très importante que soulève Gilles, c'est la question de... Il est naturel d'interpréter ses rêves. Ça, c'est une chose que j'ai toujours demandé. Est-ce que c'est vrai, ça, que c'est naturel d'interpréter ses rêves? C'est... De se demander ce que les rêves veulent dire. Je ne peux pas, évidemment, répondre, parce que je n'ai pas prétention de connaître tout ce qui se passe. Mais j'aimerais bien, anthropologiquement, savoir si c'est un invariant de l'humanité. Je n'ai jamais entendu parler d'endroits, de lieux, de populations où les gens n'arrivent pas, alors ça, voilà, et où ils ne racontent pas leurs rêves, où on n'a pas quelque chose à dire de ces rêves. Après, ils sont interprétés de manière très diverse. Voilà, c'est pas forcément en référence à une signification, ça peut être interprété en référence à l'apparence d'une divinité qui vient parler dans le rêve, etc. Mais ça donne lieu, en tout cas, oui, à des formes d'interprétation. Tu avais une deuxième remarque. Oui, j'avais une deuxième remarque. C'était ce que vous disiez sur le fait que donc peut-être en lien avec ces histoires de dessins qui peuvent être interprétés comme des rêves, de jeux qui peuvent être interprétés comme des rêves, et finalement des rêveries qui peuvent être interprétées comme des rêves, ça m'a rappelé ce que dit justement Aristote dans le traité des rêves, où il ne fait pas de distinction entre ce qui se passe à l'état de veille et à l'état de sommeil, sauf que justement dans le sommeil, des impressions, alors j'utilise pas ces mots parce que je connais pas, hein, mais des impressions qui sont imperceptibles parce qu'on est dans le mouvement, on est dans la communication à l'état d'éveil, deviennent extrêmement vives à l'état endormi. Et donc finalement on rêve éveillé aussi, mais on ne s'en rend pas compte. Voilà une des choses que m'évoquait ce que vous disiez. C'est parce qu'il est lumineux. Eh bien, peut-être. Non, mais c'est intéressant parce que finalement, on ne sait pas si Bion a lu Aristote ou si Malcolm a lu Aristote. Enfin, si Malcolm a lu Aristote, mais voilà, je trouvais ça. Enfin, évidemment, il mobilise un appareil conceptuel tout à fait différent et auquel je ne connais strictement rien. Mais ça m'a beaucoup frappé dans ce passage. Freud et Aristote partagent, et d'ailleurs, Freud renvoie à Aristote l'idée que le rêve, c'est une pensée dans le sommeil. C'était exactement ce que nie Malcolm. C'est qu'il ne peut pas y avoir de pensée dans le sommeil. C'est ça. Oui, non, il y a une pensée dans le sommeil, là, chez Aristote, etc. Et que le phénomène du... Enfin, moi, ce que j'ai vu, c'est que le phénomène du rêve est finalement pas propre au sommeil. C'est aussi... pourrait aussi s'observer à l'état d'éveil si on n'était pas autant mobilisé par l'espèce de turbulence permanente de la vie de veille. Oui, cette espèce de métaphore avec des pavillons dans le corps. Je ne sais pas si c'est très intéressant, je vais expliquer ce que c'est que la cause du rêve chez Aristote. Elle n'a rien à voir avec un désir. Mais une question moi que j'ai jamais pu résoudre, hein, je me rappelle très bien quand je travaillais sur la trame d'Oitung, c'est que l'hypothèse forte sur la trame d'Oitung, si vous voulez, c'est de dire que l'objet que trame d'Oitung, et je l'ai proposé d'ailleurs comme traduction même au traducteur, à Jean-Pierre Lefebvre, etc., m'ont dit que c'est linguistiquement possible, mais que ça changerait totalement le sens du texte, c'est que l'objet, c'est l'interprétation de rêve. C'est-à-dire que ce à quoi s'intéresse Freud, c'est à la façon dont les gens interprètent leurs rêves. C'est-à-dire que Traumdeutung ne veut pas dire l'interprétation d'un côté du rêve de l'autre, mais c'est l'interprétation de rêve qui est l'objet même, l'interprétation spontanée que font les gens. Ça, parce qu'en fait, on peut très bien le comprendre comme ça, surtout, rappelez-vous, Traumdeutung n'est pas un mot de Freud. C'est très certainement, d'après ce que m'a dit Andreas Mayer, c'est l'éditeur qui a mis ce titre-là. C'est parce que Freud ne parle jamais de Traumdeutung, il ne parle que du Traumbuch. C'est le livre sur les rêves. Et le titre lui-même, il n'apparaît qu'au moment où le livre est mis en vente, et il n'y a aucune lettre, aucun document où on a le choix du titre par Freud. Donc on pense que c'est... Et dans le sens, interprétation de rêve, l'interprétation du rêve... est une interprétation qui rétablit l'idée qu'il y aurait du rêve d'un côté et de l'interprétation de l'autre, et une interprétation qui pourrait être vraie ou fausse en fonction de ce que le rêve a été ou pas. Or, on pourrait très bien, et je pense que c'est évidemment plutôt comme ça que travaille un psychanalyste aujourd'hui, dire que ce qui nous intéresse, c'est l'interprétation de rêve. Ce qui n'empêche pas qu'il faudrait trouver comment ça se... conjugue à ce que Gilles Deleuze apporte, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, je rêve, j'ai rêvé, c'est un cri du cœur, c'est quelque chose qu'il faut interpréter comme le j'ai mal, ou le comme un appel, hein, quelque chose qui implique autrui, qui affecte autrui, et où le, l'activité d'interpréter le rêve n'est pas purement intellectuelle. C'est quelque chose qui regarde si l'autre répond. Une activité d'auto-interprétation ou d'interprétation est une activité dans laquelle on voit si l'autre interprète avec vous dans le même sens. Hein, et que c'est quelque chose de ce type-là, et qu'il faudrait extraire cette couche. Je ne sais pas si c'est possible, mais il me semble que ce serait une piste très intéressante. Et quand je parlais des dessins d'enfants, il me semble que la différence, c'est que ce n'est pas un récit au passé, c'est un commentaire au présent, très souvent, que font les enfants du dessin. Pour cause, les conditions de production ne sont pas les mêmes que celles du rêve. Et comme c'est un commentaire, je me demandais si on pouvait. Qu'est-ce qu'on recueille dans le commentaire ? Par exemple, il y a des descriptions de l'interprétation du dessin d'enfant dans l'orthodoxie lacanienne, où on en vient à ne pas regarder du tout le dessin, mais à écouter uniquement ce que dit l'enfant. Pas des trucs idiots d'ailleurs, hein, des choses sur les jeux de mots ou sur les ambiguïtés extraordinaires qui peuvent se profiler dans le propos d'un gosse au niveau purement lexical, indépendamment de ce qu'il est en train de dire. Ou qui s'intéresse, par exemple, si vous voulez, non pas à l'image même, mais à la différence entre un dessin et un autre. Et à la manière dont ces deux dessins peuvent être traités comme une différence signifiante. Vous voyez, comme un aussi type d'égard. Geste, parce que le geste fait pareil. Oui, alors ça, on n'en parle même pas du geste dans ce cas-là. Tout est complètement, vous voyez, abstrait. Je crois que si on veut, ça veut dire au moins, même si on n'est pas lacanien sur le dessin d'enfant, ça veut dire au moins qu'il faut pouvoir bien fonder psychanalytiquement, pas naïvement, le rapport entre le commentaire et l'image. C'est pas acquis, c'est pas le sens commun qui va nous dire « Ah ben ouais, le gosse, il parle du dessin qu'il est en train de faire. » Non, psychanalytiquement, la corrélation entre le commentaire et l'image, tu vois, a besoin d'être pensée. Oui, mais oui. À ceci près que des fois, l'enfant commence à parler en faisant, termine, bon, ça, selon ce qu'on fait, on peut dessiner avec lui. Le seul équivalent, peut-être, ce serait de ressortir un dessin d'une séance précédente et de voir le commentaire qu'il fait en pensant qu'il pourrait l'avoir oublié ou qu'il ait quelque chose comme ça de très partiel, où il refasse des bouts. Des fois, les enfants demandent « Tu gardes mes dessins ?» Ça, c'est une question intéressante. Certains demandent à les ressortir, même hein, les dessins qu'ils ont fait, même se souviennent d'un dessin qu'ils ont fait il y a 6 mois, c'est pas très bien. Peut-être si on devait trouver une équivalence, ça serait peut-être à. Enfin, parfois, la question du mensonge, effectivement, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui fait que dans une analyse, on peut quand même mentir ? On ne peut plus mentir dans une analyse. Si à chaque fois qu'on dit quelque chose, c'est susceptible d'être un mensonge. Alors, la seule logique de mentir, c'est le mensonge par omission. Mais est-ce que, justement, la possibilité de mentir, est-ce qu'il n'y a pas quand même nécessairement, pour qu'une analyse réussisse, la nécessité qu'il y ait encore un mensonge possible quelque part ? C'est-à-dire qu'il faut qu'il va quand même préserver un lieu où l'analyste préserve la possibilité qu'il y ait un mensonge possible, même à lui, parce que sinon, effectivement... ce que je veux dire, c'est effectivement le lieu où le sujet va rien dire, où le type va rien dire, effectivement, est-ce que c'est pas aussi justement le lieu où il y aura une possibilité de rêver, si jamais effectivement, sans quoi l'analyse se change en quelque chose de totalitaire. C'est-à-dire que il y a quand même... Les gens, on ment tous par omission sur un divan. J'imagine pas que. Enfin, faudrait être taré pour s'imaginer qu'on va tout dire à l'autre. Hein. Mais le point, c'est que le pari de l'écoute, c'est que il n'y a aucun soupçon. C'est que tout est pris comme si c'était une modalité du témoignage qui ne peut jamais être fausse. Et que donc, ça repose, ce que je disais, sur l'idée que 10 ans plus tard, quelqu'un peut venir vous raconter, en fait, je vous ai menti sur tel et tel point bien particulier, tout simplement parce qu'il s'est aperçu que ce sur quoi il mentait, c'était ce qui le trahissait le plus. C'est que le mensonge est pris dans quelque chose de... C'est la vérité. On ne tait que la vérité. On ne cache que la vérité. C'est un rapport de ce type-là. Ça ne veut pas du tout dire que les gens disent tout. Non, ils ne disent pas tout. Bien sûr que non. Non, mais quand je dis « disent tout », c'est-à-dire ce qu'ils peuvent. Dès qu'on dit quelque chose, c'est inclus dans l'analyse. Et quand on le dit, et donc un analyste est censé, me semble-t-il, enfin je sais pas ce que les autres en pensent, mais est censé tenir compte du fait que la vérité est médite, hein, comme disait Lacan, de toute manière, hein, et que mais qu'on prend absolument au pied de la lettre ce qui est dit. Il n'y a aucun soupçon. S'il y a le moindre soupçon sur la vérité de ce que le patient dit, on ne fait plus de la psychanalyse, on fait une sorte de psychologie « allez mon vieux, casser le morceau », quoi. Mmh. Hein, c'est tout à fait... Non ? Ben, oui, je fais... C'est très important avec les pervers, ça, par exemple. Oui. Pourquoi que les pervers... Moi, je trouve qu'il y a des patients que ça soulage beaucoup, justement, de dire ça. C'est-à-dire des patients qui sont capables d'interroger... l'analyste sur mais est-ce que vous repérez si je suis en train de mentir ou si je suis pas en train de mentir, par exemple. C'est bien ça, oui. Il y a des patients à qui on répond que ça n'a absolument aucune importance. Voilà, il y a aucun problème là-dessus, que j'ai aucune raison de penser même que vous ne dites pas la vérité, par exemple. Mais alors, quel est le sens de demander à un patient, comme vous l'avez fait, vous expliquez l'avoir fait à un moment donné, quel est votre premier mensonge? Ben, ça a tout à fait le sens que les gens, en général, au moment où ils vous le racontent, s'aperçoivent que ça, ce truc qui s'est passé il y a 30 ou 40 ans a le plus étroit rapport avec le fait qu'ils sont assis sur votre fauteuil en face de vous. Tout d'un coup, il y a quelquefois des collisions, enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois, des collisions spectaculaires. Le premier rêve d'enfance parle précisément des mêmes choses qui viennent, là, chez un adulte, le premier mensonge... porté sur un truc qui les a embêtés au point qu'ils sont là. Ça remonte à quel âge en général ? C'est quoi, 14-15 ans ? Non. Les premiers mensonges et les premiers mensonges que les enfants peuvent raconter, c'est 13 ans, ça peut être très ancien, hein, ça peut être de quelques années. Ah ben oui, il y a des gens qui s'en rappellent. Ceux qui s'en rappellent pas, c'est autre chose. Ou ceux qui veulent pas vous raconter, c'est encore un autre truc. J'aurais une question à poser qui me taraude depuis tout à l'heure. Donc, quand vous avez parlé de ce j'ai rêvé ou j'ai mal, je pense, pour illustrer ce qui me fait problème, enfin, ce qui m'inquiète, qui m'obsède depuis tout à l'heure, c'est à une scène de Buñuel, un film de Buñuel, où je crois que c'est Pieds-Plus qui joue cette. Tout s'arrête, enfin c'est une sorte de chef, je crois que c'est un général, peut-être je me trompe, en tout cas c'est un souvenir de film que j'ai, et qui arrête tout pour écouter le récit du rêve d'un soldat. Et l'effet que fait ce film, c'est que c'est complètement surréaliste, c'est-à-dire que c'est impossible en fait, dans la vie sociale et courante, en dehors du cadre de la psychanalyse. On est souvent très gêné ou très mal quand quelqu'un vient, pas forcément proche, mais même proche, vous raconter son rêve, vous dire j'ai rêvé de ceci ou de cela. Alors je ne sais pas si ça se passe, peut-être que j'évoque la problématique personnelle d'ailleurs, enfin, je ne sais pas. Il me semble qu'on est tous affectés. C'est une cause de divorce, oui. Voilà, on est affectés. Voilà. On est affecté d'une manière un peu particulière par le rêve, le récit du rêve de l'autre. C'est pas quelque chose qu'on reçoit. Alors je ne sais pas si dans d'autres temps historiques ou dans d'autres civilisations, le fait de se raconter comme ça ce dont on a rêvé est mieux accepté ou mieux toléré. Mais je crois qu'il y a une intolérance en tout cas. Perceptible et qui est bien montré par la scène de Buñuel où ça ne se passe jamais comme ça. C'est intolérable d'entendre un récit de rêve. Et si c'est aussi intolérable, entre guillemets. En dehors d'une cure, vous voulez dire, voilà. Sur le registre de l'amitié, enfin, quelque chose de la relation. Voilà, il y a une sorte comme ça de. Bon, je pose la question aussi, en montrant à contrario ce qui se passe dans Gunlen. Je sais qu'au Vietnam, quand j'y avais été, il y a certainement pas mal d'années, il y avait dans le sud en fait, des familles qui se racontaient les rêves entre eux, mais c'était très comment dire, fraternel et sororal, c'est-à-dire que ça ne dépassait pas le stade de générationnel, et ça m'avait d'ailleurs frappé. C'est-à-dire qu'on pouvait se raconter des rêves entre frères et sœurs, mais pas avec le père ou avec la mère ou avec la grand-mère, ça se passait vraiment au niveau générationnel. Alors je ne sais pas si ça a un sens ou pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la trame de Huitung, il faut jamais oublier que ça prend place dans des jeux de salon viennois extrêmement répandus. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas s'imaginer qu'il y avait plein de médecins qui écrivaient des recueils de rêves, hein, bien sûr, que ça a totalement disparu aujourd'hui dans une famille, on ne se raconte pas les rêves. Or, c'est une activité de salon extrêmement répandue. Ce jeu-là, au point que quand Andreas Mayer et Lydia Marinelli ont publié leurs commentaires de la trame d'Huitung, ils mettent en appendice la trame d'Huitung pour rire du frère d'Alexander Freud, parce que tout le monde évidemment a cherché, toute la famille l'a lu, la trame d'Huitung, pour se reconnaître, c'est ça. Et donc on est là dans une ambiance dans laquelle l'échange onirique est une activité mondaine, extrêmement répandue. Donc ça n'a rien à voir avec, par exemple, Lacan qui fabrique une théorie du rêve avec à l'esprit Dali ou quelque chose comme l'onirisme surréaliste. C'est absolument pas du tout dans le même registre. Et je crois que effectivement, on peut être très sensible même pour nous, hein, à des stratifications culturelles comme ça. Les enfants racontent bien leurs rêves, au réveil, c'est pas seulement la mienne qui fait ça quand même. Non. C'est d'ailleurs toujours très émouvant pour les parents de voir que la vie psychique de l'enfant s'est embrayée à un point tel qu'il est capable de dire j'ai fait un rêve et d'interroger pour savoir si c'est ça qui l'a fait. Et je trouve que c'est presque aussi important que le moment où ils prononcent leur premier mot. Enfin, je sais pas, je suis peut-être un sentimentalisme niais, mais il y a quelque chose, un moment qui comprennent ça. Ah oui, que leur vie psychique s'est détachée, c'est quelque chose qui est extraordinairement puissant et qui est la seule trace qu'on a, parce que l'apparition des fantasmes sexuels, ils ne la communiquent pas. Mais donc c'est la dernière fois qu'on va avoir une trace entre la parole et le fantasme sexuel de ce premier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi je demandais dans les entretiens préliminaires le premier rêve. C'est parce que j'ai toujours l'impression que c'est ce qui se tient entre l'apparition de la parole et l'apparition des fantasmes sexuels. C'est la médiation chose, même. Est-ce qu'on fait autre chose dans une analyse que de raconter ses rêves? Je pensais à un analyste qui est... Je pense que c'est Octave Manoni, mais je ne suis pas très sûr, ou c'est Serge Leclerc, qui dans un bouquin raconte qu'il y a un patient qui arrive en retard, et bon, il l'attend, il se penche à la fenêtre, et il y a un gros accident de circulation, et en bas, et puis le patient en monte et dit, voilà, je suis en retard parce qu'il y a eu un accident, je crois que c'est Octave Manoni, il dit, j'ai décidé d'entendre ça comme un rêve. Donc il a vu l'accident... Je me demande si la séance d'analyse, c'est pas d'emblée. Ah oui, j'en suis tout à fait persuadé. C'est une décision culturelle. Ce que tu dis là, surtout qu'ici, vous savez, c'est une association très lacanienne. Quand moi j'ai écrit il y a 20 ans mon bouquin sur la trame d'Huitung, j'ai eu zéro retour. C'est-à-dire que l'idée même qu'on pouvait. Qu'il y avait des. De ça, c'est parce qu'à la durée. Comme je vous l'ai dit, la durée des séances. Et faites en sorte que le temps pris à raconter un rêve est nul. Et même, d'après ce que j'ai lu, Lacan, lui, ça l'emmerdait pas. De toute façon, il vous faisait revenir 2 heures après, puis encore 2 heures après, puis encore 2 heures après. Il saucissonnait. Mais moi, par exemple, je me souviens de la première analyse que j'ai faite, c'était des tranches comme ça, qui étaient assez, assez brèves. Je n'ai jamais pu raconter un rêve. Ça, c'est terrible. Ah bah. Non, c'est pas terrible, c'est un autre type d'analyse. Il y a plusieurs sortes d'analyses possibles. C'est pas une seule fois qu'un patient termine une séance en me disant ah puis ah, je voulais absolument vous raconter ce rêve-là. Est-ce qu'on a un... voilà. C'est-à-dire qu'il y a, une volonté. C'est vraiment un lieu pour le rêve. C'est un lieu pour ça. Peut-être que ça a changé. Peut-être que c'est qu'aujourd'hui, il y a un rapport à la temporalité qui n'était pas exactement le même que celui de qui permettait des séances extrêmement brèves. Ou alors, parce que vous déléguez l'analyse du rêve au patient, qu'il a qu'à l'analyser dans son coin, et ne vous communiquez que quelques bribes qui sont justement celles qui vont valider la théorie qu'au fond, c'est que les signifiants qui comptent. Mais alors, l'idée de rêver en séance, de rêvasser en séance, ou même, par exemple, l'importance qu'on peut avoir chacun de dormir suffisamment avant de travailler, c'est pas du tout quelque chose qu'on raconte autour de moi, hein, dans mon milieu analytique, les gens que je fréquente. J'ai jamais vu personne se faire recommander de dormir soigneusement. Je l'ai découvert moi-même qu'il fallait dormir pour travailler. Et je suis persuadé qu'il y a des tas de gens qui considèrent que c'est la raison pour laquelle je suis un peu bizarre, quoi. Oui, de la même façon, est-ce qu'il y a beaucoup d'analystes qui parlent des rêves qu'ils font à propos de leurs patients, enfin, quand ils le savent ? Ça, oui, il y en a. Pas mal, même. Oui, ça, il y en a. Bon. Oui, non, parce qu'il faut voir les rêves aussi. Hein. C'est dur de ne pas en parler, hein. De s'en soulager. Mais les... Ou pas, alors, de la... Il n'y a pas l'espace de ça dans les contrôles, par exemple. C'est très difficile. Je trouve. Oui. Donc, parler sérieusement du rêve dans sa temporalité comme événement psychologique, c'est plus du tout... Enfin, il a pu y avoir tout un développement de la psychanalyse qui le mettait entièrement de côté. Et c'est ça qui, moi, me paraît problématique. Vous voyez, ça a des tas de conséquences sur comment on construit nos séances, ce qu'on interprète, comment on se situe par rapport à ce qui est dit, combien elle dure. Quand vous lisez dans la trame d'Oitung que Freud fait raconter un rêve et pendant la même séance le fait raconter une deuxième fois, pour voir les petits points de différence, pour voir ce qui a été oublié dans l'un, retrouvé dans l'autre, etc., et qui ne travaille que sur ça, ça veut dire effectivement, ouais, c'est des séances de 50 minutes, qui sont, c'est un tout autre rapport. Et donc si on fait ça, ça change complètement, hein, le rapport à la pratique, à l'écoute et tout. Bon, hein? La prochaine fois, c'est Sébastien. Très bien. Et la fois d'après, ce sera donc Isabelle Robert qui viendra, elle... Alors, Sébastien dira sur quoi il va travailler. Il a le temps. C'est le mois prochain. Je pense que je parlerai un peu de ce que tu racontais tout à l'heure sur le fait de ne pas pouvoir rêver. Hein. Qu'est-ce que c'est que ne pas pouvoir rêver en séance ? Voilà. Ça ne se produit pas qu'avec des patients psychotiques. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence ? Pratique analytiquement. Je pense que je parlerai d'Ogden. Pas mal. Par exemple, quel bouquin que vous pourrez lire ? Dans Cet arc et la psychanalyse. Cet arc et la psychanalyse. C'est un excellent éditeur, et tac. Ok. Et après, il y aura Isabelle Robert qui viendra montrer un film assidu. Vous savez, qui danse avec des grands handicapés mentaux, qui est une disciple, une élève, Mathilde Monnier, la chorégraphe. Et donc il y aura un certain nombre de gens extérieurs qui viendront et on montrera, on essaiera de s'arranger, ça va te faire mieux faire qu'avec Catherine Coringer, pour pouvoir bien voir un film et discuter de cette question du corps et de l'engagement corporel de l'analyste avec, dans des situations comme ça, aussi spectaculaires que les grands handicapés mentaux. Voilà.